vous êtes assez fou. Pour l'écouter. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Le plan d'aujourd'hui, assemblage requis. Salut McLeish nous fera une édition spéciale de sa chronique Quoi ne pas dire, quoi ne pas faire. Et Tania nous fera déguster sa gastronomie particulière dans une grosse pointe d'allresse. Assemblage requis commence tout de suite. Assemblage requis pour toi, aujourd'hui. Assemblage requis pour toi, aujourd'hui. Bonjour et bienvenue à l'Assemblage Rocky pour la semaine du 29 mai 2017. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Bourdin. Salut Tania, ça va? Ça va bien. Ça va? Oui? Oui, ben oui. T'as l'air comme stressé, dernière minute. Mais non, voyons, je fais que tu parles. On n'était pas dernière minute, Mathieu. Non, on faisait pas des affaires jusqu'à la dernière seconde avant que l'émission commence. On fait jamais ça. En écoutant Karim Ouellet. Oui. Ben oui. Ben non. Franchement. Et en plus, t'as quelque chose après l'émission, donc t'es super pressé dans le temps. Mais on a 3 heures devant nous. Oui, c'est ça. On a 3 heures quand même pour faire ce qu'on fait de mieux, c'est-à-dire animer à la radio. C'est-à-dire n'importe quoi pendant 3 heures. C'est ça. Aujourd'hui à l'émission, on va avoir Xavier McLeish, notre invité spécial, en fait, qui vient d'arrêter sa chronique je pense que c'était à la mi-mai, fin mai. Je dirais mi-mai. Je vais mettre ma main sur Mimé qui avait arrêté sa chronique ouais. En disant qu'elle allait prendre l'été off. Et déjà, il nous supplie, il revient en rampant vers nous. On doit être, des gens attirants. Mais probablement. Qui va revenir comme ça. J'imagine. Mm-hmm. Donc, il va nous faire sa chronique Quoi ne pas dire, quoi ne pas faire. Sa chronique, comme il appelle, à 15h environ aujourd'hui. C'est-à-dire en début de deuxième heure. Ta chronique à toi s'en vient aussi plus tard dans la deuxième moitié d'émission. Tania is gonna entertain you. Qu'est-ce que tu nous présentes aujourd'hui? Bien, vous l'aurez probablement sans doute deviné par ma voix. J'ai une voix quand même assez différente. Mais à ce temps-ci de l'année, on se dit, voyons, ça peut pas vraiment être le rhume. Là, il fait pas comme moins 32. Pourtant, tout le monde a le rhume, non? Pourtant, tout le monde semble avoir le rhume présentement. Donc, je vais essayer de démystifier avec vous. Est-ce que c'est vraiment un rhume? Ou des allergies? Le aujourd'hui, le pollen là, dans les airs, c'est comme si on était dans un rêve. Oui. Sauf qu'à place d'avoir des nuages, c'est du pollen. C'est ça. Je regarde par la fenêtre du studio présentement, puis c'est comme vraiment pas chic. Oui, non, c'est ça. Joli. C'est joli. C'est beau. Oui, tout à fait. C'est pas mal moins le fun des narines, mais c'est beau. Un petit peu. Et sur une soupe aussi, ça ajoute pas tellement de saveur. Oui, en vraiment. Effet. Ensuite, à la fin de l'émission, on va avoir comme toujours une grosse pointe à l'adresse, notre chronique culinaire, alimentaire, gastronomique. Et cette semaine, c'est toi qui as choisi un produit parce que la semaine passée, pour notre grosse émission spéciale, j'en avais pas. Donc, tu te reprends cette semaine. C'est ça. Un indice? C'est rouge. OK, c'est rouge. Ah, oui, bon. C'est tout ce que je dis. C'est un indice quand même. C'est un indice. Je dois le dire. Mais c'est très vague comme indice. Vraiment. On va aussi avoir d'autres chroniques régulières dans l'émission d'aujourd'hui, nos chroniques maison. On se garnira ça entre chaque autre chronique. Mais pendant qu'on a tellement de choses à faire, on va se prendre un petit 2-3 minutes pour relaxer avant de commencer avec notre contenu. Donc on s'écoute une pièce. On a déjà entendu nos nouveautés de la semaine passée, à l'émission de la semaine passée, parce que le palmarès est du 22 mai au 25 juin. Très long palmarès, donc on n'aura vraiment pas de nouvelles entrées avant la fin du mois. Donc écoutons à peu près n'importe quoi. Oui. À peu près, environ. À peu près. Mais pas les mêmes affaires qu'on a écoutées la semaine passée, parce que ça va être redondant un petit peu. Donc on s'en va entendre. Quelque chose qui n'est pas nouveau, c'est... Tu m'intrigues, là. C'est, ouais, je sais. Tu sais pas, hein, c'est quoi? Non, je sais, voyons. OK. Je sais. Franchement, je suis pas du genre à choisir au hasard. Mais non, voyons, t'as surtout pas l'air d'un gars qui scrolle sur sa page de tout ce qu'il y a dans l'ordinateur. Tu sauras que je suis tout à fait présent d'esprit. Je suis même extra lucide. Voici Junior et extra lucide. À son âge requis. Hein? Hey, pas fou, pas fou. Ça. En air de guitare, en air blasé, mais veut se lever tard quand on est mal nommé. junior extra-lucide dans Assemblage Reiki. Oh oui! On aime ça. Donc, c'est le moment de sacher des choses dès le début de l'émission. C'est ce qu'on fait depuis le début de l'été. Je pense que c'est le moment approprié pour faire ça. On sort l'argent, on se débarrasse des dépenses, puis après ça, on est conservateur pour le reste de l'émission. Mm-hmm. Donc, voici, ça existe, mais ça ne devrait pas. Ça ne devrait pas. La chronique, on s'achète des choses sur Internet et qu'on le regrette instantanément. Et on commence avec. Tu sais, quand tu vas chez IKEA, est-ce que tu vas chez IKEA des fois? Ben, OK. Mange des petites boulettes, hein? Je vais pas nécessairement manger des petites boulettes, honnêtement, mais j'adore le IKEA. C'est une belle place. Ouais, c'est une obsession chez les femmes, je pense, le IKEA. Mais c'est vrai. Ben oui, mais là. Mais moi, là, quand j'étais jeune, là, je voulais aller au IKEA juste pour faire le tour des fausses maisons. Ouais. Ben, c'est le fun chez IKEA, c'est que tu fais juste suivre le chemin qui est déjà proposé. Fait que t'as pas besoin de réfléchir. En effet. Bref, est-ce que t'aimes les petits sacs, tu sais, les sacs bleus chez IKEA? J'en ai tellement, là. Ouais, hein. Je prends en revente. Ben, si tu pourrais, et tu pourrais faire beaucoup d'argent. Parce que si tu pouvais te fabriquer des souliers avec des sacs IKEA, tu pourrais les vendre 1 500 $ comme les Fracta Air Jordans qui existent et qu'on peut acheter pour 1 500 $, je te jure. Ça vient, il y a quelques semaines sur Internet, il y avait quelqu'un qui avait une compagnie qui avait sorti un sac à la IKEA, mais super cher en matériaux luxueux, puis ça a fait bien gros fureur. Donc, dans le même genre, on continue avec les mashups. C'est The Shoe Surgeon. Il a pris le sac qui coûte 1 $, on le rappelle, chez IKEA environ. Il les a changés en souliers, les Air Jordans. Donc, c'est basé à Los Angeles, ce Shoe Surgeon. Et c'est les Air Jordan Ones qui sont faits de suède bleu, de piton jaune. J'imagine que c'est une sorte de matériau soulier, là. Probablement. Et du polypropylène bleu. Voilà, c'est dans un bundle qui vient avec un bomber jacket, fait aussi avec des sacs IKEA, donc un petit par-dessus, là. Ouais. De la marque de vêtements Elliott Evan. C'est fait à partir de vrais fractas réutilisés. C'est donc un fashion statement pas mal, hein? C'est quand même pas laid. Non, c'est pas affreux. Les souliers sont plus beaux que le manteau, je dois avouer. Ouais. Mais c'est ça. Et ça, comme je disais tantôt, le sac spécial à la IKEA était en cuir bleu. C'est par Balenciaga. Ça coûte 2 145 $. Wow! Ça, c'est approximativement 2 145 fois le prix d'un sac IKEA normal. Hein? Il y a aussi une casquette de baseball édition limitée qui a été fabriquée et qui a été vendue en quelques heures seulement. Donc, allez voir les liens si ça vous intéresse sur assemblagerequis.com. Ouais. Il y a seulement, je regardais ça, il y a seulement 10 jackets qui ont été faits dans le monde. Mm-hmm, mm-hmm. C'est fou. Tu voulais t'en procurer un? Ouais, c'est ça. Ouais. Franchement. Ouais. Hein? Ouais. Moi qui t'annonce des choses comme ça, tu pourrais pas t'acheter. Je suis sûr que c'est imperméable, cette affaire-là. Ben oui, c'est sûr. Ça n'a pas le choix, mais hein, je pense. Ouais, non, c'est ça. Ensuite, tiens, on change complètement de domaine. On s'en va dans la cuisine avec le Fun Doodler, qui est un fusil à colle chaude, comme on l'appelle, pour faire du bricolage. Ouais. Sauf qu'à la place d'être ça, ou encore un fusil à mono pour mettre autour des fenêtres. Oui, oui, ça ressemble à ça. On comprend l'image. Donc, c'est la même chose, mais pour du fromage chaud. Ugh. Ben, fromage comme tu veux, du fromage à nacho. Ouais. Du fromage, ben, il est pas chaud, en fait, il est comme froid, même, je dirais. Donc, pourquoi pas? C'est pour garnir vos craquelins, hein? Je sais pas trop, sur vos chips aussi. Oui. Ça va tout le temps mal, tu sais, dans le pot de Tostitos, là, nachos, il faut que tu trempes ta chips qui est trop grosse pour le pot. Oui. Je comprends pas qu'ils n'ont pas encore fait de pot plus large et moins haut. T'as raison. Tu sais, je comprends pas. T'es obligé d'y aller avec une cuillère, come on. Mm-hmm. Fait qu'à la place, verse ça dans ton fusil, hein, dans ton Fun Doodler. Rien de moins qu'un fusil pour ça. Claque-toi ça directement dans la bouche ou sur tes chips. Pourquoi pas? C'est ça. Et ça coûte combien tout ça? Ça m'est pas écrit, hein? Doit être cher. Ah, ça doit être cher. Est-ce qu'on va voir Fun Doodler? Ça coûte 35 $. Wow! Hot Glue Gun pour le fromage. F-O-N-D-O-O-D-L-E-R. Et ils ont manqué leur opportunité de mettre un fun comme F-U-N. Mais que voulez-vous, hein? On n'a pas tous la même présence d'esprit. Hein? On pourrait faire du bricolage avec ça. Tu sais, ceux qui font du bricolage avec des macaronis pas cuits, hein? Oui, à la garderie. C'est vrai, ben oui. Ben, colle avec du fromage. Hey, hein? On y avait pas pensé. Hein? Ça doit bien vieillir. Après quelques jours, ça doit être parfaitement odorant et d'une couleur tout à fait appropriée. Hein? Ça doit être le fun à laver, ça. Genre, hein? Oh. Ouais. En tout cas, ensuite, c'est Virtu qui vous propose d'acheter le téléphone le plus laid et le plus inutile du monde. Déjà là, t'es tenté? Oui, ben oui, clairement. Pour seulement 320 000 euros. Hein? Les nombreux millionnaires qui s'intéressent aux gadgets connaissent peut-être, en fait, la compagnie Virtu. Ça peut arriver. Le fabricant de téléphones anglais vient d'annoncer une nouvelle horreur qui est le Signature Cobra. Téléphone feature phone, donc ça veut dire pas intelligent, bardé de rubis. Est vendu seulement 320 000 euros. Hein? Juste ça. Oui, c'est vendu uniquement en Chine à 8 exemplaires, donc moins que le manteau de tantôt. Hein? C'est une version spéciale du Vertu Signature, un téléphone sorti il y a maintenant 4 ans et vendu à l'époque pour un peu plus de 13 000 euros. Alors pourquoi les 300 000 et plus euros de plus? Oui, la réponse est que c'est désormais constellé de rubis et d'émeraudes afin de former un serpent, d'où le nom du téléphone apparemment. Le signature Cobra, qui comprend 439 rubis qui forment le corps d'un cobra et deux émeraudes pour produire les yeux. C'est ça, et c'est l'œuvre d'un Français, le bijoutier Boucheron. Alors, félicitations à eux. Hein? Est-ce que je peux le dire? Ben, vas-y donc, moi. C'est même pas beau. Ben, c'est ça, c'est hideux. Hideux! Tu sais, là, il y avait des filles, quand t'allais au secondaire ou au primaire, qui tripaient sur le linge baby fat. Tu trouves que ça ressemble à être dans la même gamme? Ouais. C'est comment tu les appelles, ces filles-là? Je vais pas être méchante. Tu les appelleras pas par leur... que tu les appelles dans la vraie vie, hein? Parce que ça pourrait être méchant. Non, mais je les connaissais pas personnellement, mais il y en avait tous une, tu sais, par école secondaire, mettons, ou par école primaire. Des douches baguettes. Oui, ben c'est comme ça qu'on les appelait. Moi, c'est de même que je les appelle. Les douches baguettes. Ouais. Impossible d'envoyer des SMS en passant à des MMS, pardon, avec ce téléphone-là, parce que c'est un feature phone, c'est pas un téléphone intelligent, hein? Et c'est vendu avec un collier en forme de serpent lui aussi. Et une fois payé les 320 000 euros, le téléphone va être livré à son propriétaire par un hélicoptère. Hey, c'est vraiment laid. Fantastique. Il n'y a pas des gens qui l'ont acheté, hein? Bonne question. J'en ai aucune idée. Ensuite, avec des écouteurs, vous allez pouvoir enregistrer exactement ce que vos oreilles entendent. Après avoir parlé quelques temps d'écouteurs qui vous permettaient d'ajuster le volume de la vie, ben maintenant, vous pouvez tenter l'expérience audio binaurale avec ce numéro de Power 137 qui propose une... ça, c'est le nom de l'émission qui parle de ça, je pense. Hein? Mm-hmm. Ça? En tout cas, bref. Le son tel qu'on le connaît de façon usuelle se résume souvent à une écoute en monophonie et ou en stéréophonie classique. Le cinéma maison et ses hordes d'enceintes ont fait naître une spatialisation sonore immersive, mais la captation audio de nos matériels reste souvent monophonique ou encore stéréo. Dans un univers high-tech qui évolue très vite et qui s'oriente vers les images en 360 degrés immersives, ben l'audio ne suit pas le mouvement et c'est là que les choses vont changer. Sennheiser présente son concept Ambeo, qui se décline notamment en un micro à quatre capsules. C'est donc ça qu'on vous présente sur l'article sur assemblagerockey.com. Le concept s'appuie sur une captation immersive de type 3D audio de grande précision. Le micro à quatre capsules pourra être utilisé pour la captation de sons à 360 degrés à destination de bandes son de jeux vidéo, par exemple, de films d'animation, peut-être de la réalité virtuelle. Les écouteurs sont présentés donc dans l'article, dans une vidéo. Allez voir sur le site si ça vous intéresse. Donc, pour avoir du son immersif, pourquoi pas? Après, peut-être que ça va être dans le cinéma un jour, peut-être que tu vas pouvoir avoir des écouteurs qui vont te faire sentir le son de partout. C'est bon. Peut-être. Peu importe où t'es assis, c'est ce qu'on aimerait. Ensuite, des fois, tu veux te faire apprécier, je dirais, par ton copain, ta copine, peu importe. T'aimerais ça, des fois, tu le diras pas, mais qui t'envoie des fleurs, mettons. T'aimerais ça. Je vais répondre oui pour le besoin de la cause. Combien t'en voudrais, mettons, une douzaine? Non, une. Une? Hey, ça tombe-tu bien? Pourquoi? Parce qu'il y a un nouveau service qui vous permet d'envoyer une seule rose à la fois. C'est merveilleux. Ça s'appelle Ship One Rose. Merci de participer. Mais honnêtement, ah non, ça va pas. Honnêtement, je pense que j'aime mieux recevoir une rose que d'en recevoir comme plein. C'est trop d'entretien. Ben, trop d'entretien. De toute façon, ça va sentir la rose avec 12 roses. Tellement. Je suis d'accord avec toi. Donc, c'est des fleurs qui viennent des montagnes près de Boulder, dans le Colorado. Une rose qui vient dans un tube de carton, soit rose moderne ou encore rose Valentin. Le rouge qu'on connaît. Rouge qu'on connaît, c'est ça. Ça s'appelle Valentine's Rose quand même. Et ça inclut donc ça, une rose avec une plus longue tige, voilà. Ou sinon, une boîte faite en bois, fabriquée à la main, avec un vase d'acier. Et puis un petit pack là, pour nourrir vos fleurs, là, un petit truc là, que tu mets dans la... Dans l'eau. Dans l'eau, là. Bref, vous avez le choix. Ça s'appelle Ship One Rose. C'est pour 30$ et plus américains. Bien sûr, là, la livraison au Canada, on n'en parlera pas. C'est pas le but de la chronique. C'est ça. Ils peuvent pas. C'est ça, sûrement pas. Ensuite, tiens, justement, dans le même domaine, tu disais que c'était difficile l'entretien des roses. Oui, c'est vrai. Bon. Ben oui, c'est vrai. Ben, qu'est-ce que t'en penserais si je te donnais des roses qui ne mourront jamais? Genre des roses en papier. Elles sont invincibles, ouais, genre, c'est ça. Bien maintenant, là, je sais pas si tu savais, mais si t'as quelqu'un de ta famille qui décède, par exemple une grand-mère ou ta mère, c'est possible d'avoir des fleurs éternelles maintenant. Oh, ouais. C'est qu'elles vont durer beaucoup plus longtemps. Mais c'est des vraies fleurs quand même. Je pense que c'est une espèce de vernis qui a été lancé sur la fleur en tant que telle, puis ça dure jusqu'à comme 10-12 ans. Wow. C'est vraiment le fun. Moi, j'ai encore celle de ma grand-maman. Puis j'y tiens vraiment beaucoup. Là. J'y fais attention. Fait que tu pourrais faire la même chose avec un gâteau de mariage à la place de mettre dans le congélateur, tu y sprays un petit peu de... Un petit peu de vernis, de un vernis. Petit peu de colle en spray, c'est ça. Excellent. Tu fais ça. Donc voilà, c'est des fleurs qui ressemblent. Apparemment qu'elles sont identiques à des vraies roses. C'est fait d'une variété de matériaux recyclés et écologiques. Ça coûte 90$ canadiens, mais c'est elles sont faites comment? En papier? Ça dit en matériaux recyclés et écologiques. Ecoflower.com est le nom du site web. On peut se faire des bouquets pour mariage ou n'importe quoi. Et c'est ça. C'est quand même... c'est des fleurs. Hein? C'est des fleurs. C'est vrai. C'est ça. Ensuite, on va à l'alcool maintenant. Ouh! À l'alcool. Est-ce que j'ai déjà parlé de ça? Je pense que non. C'est une coupe de vin, en fait, qui ressemble un petit peu à un masque qu'on se met dans les avions, là, tu sais, qui tombe du toit ou des sacs oui, à verre. Je pense, Mathieu, qu'on en a déjà discuté. On a déjà parlé. C'est pas grave, je suis déjà dedans, on va en parler quand correct. Même. Donc, c'est on fait parle de vin, là, c'est oui. Ça. C'est fait pour le mettre autour de ton nez pour pouvoir mieux sentir. Ça ramasse de l'argent en ce moment sur Kickstarter. C'est 15$ pour en avoir un. Si c'est pas déjà terminé, voilà. Ça fait futuriste un petit peu. Un petit peu. En fait, le financement a été annulé par son créateur. Bon. C'est d'un bien malaisant. C'est ça, j'en ai déjà parlé, puis en plus, c'est fini. Ça va très bien. Ensuite, parce que quand tu bois, tu dois te tremper le nez dans ton vin. Pas supposé, c'est fait pour ça. Okay. C'est fait pour que ça passe juste par en dessous, puis le nez est comme à part. Ben, fait c'est que dans tu fais même des bulles dans ton vin avec ton nez. Genre. Ah, tiens, les trampolines, c'est cool. Oui, assez. D'intérieur, c'est le fun, mais extérieur, c'est encore plus le fun parce que tu peux envoyer des vidéos à drôles de vidéos et autres émissions de YouTube, peu importe. Mais imagine si ta trampoline était exactement au même niveau que le sol, un peu comme une piscine creusée. OK. En fait, c'est pas mal une piscine creusée, mais c'est une trampoline creusée. In-ground trampoline kits, ça existe. C'est la compagnie Trampolines Down Under, un magasin en ligne qui vend donc cet ensemble à 1 700$ américains. C'est un trampoline, oui, et un mur pour le retenir. Donc, on doit juste creuser un grand trou et installer ça soi-même. C'est supposé être plus sécuritaire que les trampolines habituelles, normales, parce que tu tomberas pas d'aussi haut quand tu vas te planter. C'est vrai. Donc, c'est ça. Allez voir, il y a une petite vidéo de l'installation de ce trampoline à l'intérieur du sol. Creusé! Incroyable. C'est fou. Ensuite, un bol ergonomique pour le divan. Tu sais, quand t'es sur le divan, tu vas tout le temps, je sais pas, tu vas renverser tes affaires, ta cuillère, elle tient pas, ça tombe de partout, t'as de la misère à le prendre dans ta main parce que c'est comme une sphère, puis là, c'est pas le fun. Ouais. C'est pas le fun de manger des céréales, mettons, dans le divan, non? Non, je sais pas. Ça s'appelle le Ergonomic Couch Bowl du designer Thomas Booth, qui est fait exclusivement pour être tenu dans une seule main tout en regardant ses émissions de télé préférées. Donc, c'est pas un fou. Bol. Pas fou, hein? C'est un bol de céramique avec un genre de creux dans le milieu. OK. En dedans, un creux pour que tu puisses prendre avec comme ta main. Comme le dessous d'une bouteille de vin. Comme le dessous d'une bouteille de vin. Quel bon exemple! Donc, pour que tu puisses tenir facilement avec une seule main. Et en plus, il y a une petite encoche sur le côté pour que ta cuillère puisse tenir, parce que c'est plate quand la cuillère fait le tour de ton bol, puis c'est pas... Ben oui. C'est pas amusant du tout. Ça vient en ensemble de deux. Super joli en plus. Je les aime bien. J'en veux. C'est cute. C'est cute. Vraiment cute. Ça me fait vraiment penser, par exemple, à des bols à chien. C'est vrai. T'as tellement raison. J'avais pas pensé à ça, ouais. Je suis désolé. Je suis d'accord avec toi, ouais. C'est vrai. C'est sur Amazon.ca, disponible au Canada, si vous en voulez. Ensuite, tu sais, quand tu vas dans un restaurant ou un endroit public, peu importe, tu vas à la salle de bain et là, tu capotes parce que, waouh, t'as un truc pour te sécher les mains. Oui, ben c'est oui. Incroyable, à la place d'avoir du papier comme une bête. C'est vrai. Tu peux te passer ça en dessous de la face. Et bien maintenant, tu peux avoir ton propre séchoir à main pour toi à la maison. C'est vrai? Hey, j'en veux un. C'est le fun, hein? Ça se vend combien? T'as peur, ça se vend combien? On va aller voir ça sur Amazon.ca. Ça coûte 100$. Ah, c'est tout? C'est tout. C'est le Tanco Compact Home Hand Dryer. Très pratique. Ça n'a pas besoin d'être installé sur un mur comme dans les restaurants ou peu importe. En fait, il y a une base. Ça vient avec une base, donc tu peux le mettre sur ton comptoir. Et c'est portatif, tu peux le transporter de pièce en pièce. Donc tu te laves les mains, tu places les mains en dessous et ça va commencer à les sécher automatiquement, même pas de bouton. Pareil comme dans les restaurants. Et puis tu peux, ça va même éteindre le séchoir après 60 secondes automatiquement. C'est merveilleux. C'est parfait, ça va bien avec peut-être les toilettes intelligentes du Japon si vous en commandez une pour avoir vraiment le look futuriste dans votre maison. J'adore ça. J'adore. Ok, oui. Ensuite, ça m'en prend une. Ah ben, Colin, hein, on sait quoi t'acheter. Messieurs, une rose. Exactement, oubliez la rose, achetez-moi un séchoir à main. Ensuite, tiens, on reste dans le futur un peu avec un gadget qui vous permet de regarder si vous avez laissé votre four ouvert sur votre téléphone. Tu sais, des fois, pas le faux Uber sur son téléphone. Ce serait bizarre d'avoir ouais. Uber le faux sur son téléphone. En effet. Mais quand, mettons, tu sors de chez toi, après oui. avoir fait à souper, puis là, tu sors, puis tu fais comme, ah, mon Dieu, j'ai oublié mon four. Tu vas pouvoir vérifier sur ton téléphone cellulaire pour voir si ton four est fermé. Je te jure que j'ai jamais fait ça. T'as peut-être pas de toc autant que d'autres. Peut-être. Genre. Mais je me suis déjà posé la question, oh my God, j'ai-tu barré la porte? Il y a ça. Il y a ça. Est-ce que j'ai nourri mon chien? Bah oui. Monsieur Bouy. Monsieur Bouy, avec mon bol que j'ai utilisé pour mes céréales sur mon divan. Exactement. Donc, ce nouveau produit sur Kickstarter qui nous aide donc dans ce TOC, c'est selon The Verge, c'est le Innerve React, qui consiste donc en quatre ronds de poils mm-hmm. et les boutons qui sont liés à un sensor qui s'attache au plafond. Le sensor se connecte à votre réseau Wi-Fi, permettant aux propriétaires de communiquer avec le système, peu importe où ils sont dans le monde, par leur téléphone cellulaire. Si le sensor détecte de la fumée ou du gaz, il peut être programmé pour envoyer une alerte à l'application ou encore même éteindre les ronds automatiquement, ce qui est encore mieux. Si ça détecte du mouvement et que ça a du sens, que la cuisine, donc, et qu'il ressent que la cuisine était vide depuis 15 minutes, il va éteindre le four par défaut ou 15 minutes. En tout cas, bref, t'as plein de paramètres que tu peux faire fonctionner comme ça. Et aussi, tu peux le contrôler par la voix avec Amazon Echo. Le projet a plus que triplé son but de 40 000 $. Donc, vous pouvez vous réserver votre Innerve React pour 230 $ US. Ça va être envoyé au mois de décembre. Mmh, cool, hein? Très cool. 4 Smart Stove or Oven Knobs. C'est ça, c'est 4... OK, c'est 4 boutons et non pas 4 ronds. Donc, ça va fonctionner avec votre poêle habituel. C'est 4 boutons qui viennent remplacer les boutons de votre poêle. Si je comprends bien l'article, si je comprends bien. Je me suis pas renseigné plus que ça, mais c'est ce que je pense que c'est. Je pense aussi. Ensuite, il y en a qui sont plus compliqués que d'autres. Des shorts! Des shorts! Oui. Pour les sports électroniques, tu connais les e-sports, c'est de plus en plus populaire. Ils en jouent même à RDS, les gens qui jouent de façon compétitive. Genre à des drones. Non, des courses de drones. Non, pas non. Ça. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est encore plus fun. Oui. Non, on parle de, mettons, quelqu'un qui joue à, je sais pas, World of Warcraft, là, en équipe à TV. C'est vrai? Ça arrive, les e-sports. Ça. Mais bref, il y a des ligues mais de ça. Mais c'est pas un sport? Ben, ils disent que oui. Pas nécessairement à télé. Il y en a qui sont pas à télé. Il y en a qui ça va être dans une salle. Mais c'est sur écran géant des fois. Tout le monde joue à ça. Tout le monde trippe à ça. Ouais, je sais. C'est pas pour moi non plus, mais ça existe. Les okay. e-sports, bref. Il y a maintenant des shorts pour les e-sports qui ont des panneaux qui absorbent l'humidité. Oui, parce que tu suis beaucoup en jeu aux ben, jeux vidéo. Ben, c'est un sport, hein? Oui. Donc, il y a Control Freak qui veut devenir le Under Armour des joueurs de e-sports. Donc, la compagnie a sorti ses Performance Gaming Wear. Donc, c'est la première ligne de vêtements qui est spécifiquement fabriquée pour les gamers pour rendre leur vie meilleure en tant que gamer. Donc, ça a débuté en décembre à la Major League Gaming au tournoi de Las Vegas. C'est donc un hoodie et une paire de shorts de joueurs de jeux vidéo. Qui respirent. Un chandail qui est temperature control, donc température contrôlée. Mm-hmm. Et puis, c'est ça. Control Freak, K-O-N-T-R-O-L-F-R-E-E-K. Ouais. C'est hoodie ça. Hoodie et short. C'est pas mal ça. C'est ça. C'est ça. Pas grand-chose à dire de plus. Non. Short et hoodie qui sont disponibles pour 36 et 66 $ respectivement. Voilà. Ensuite. Oui, un savon à l'ail et à l'eau bénite qui va éloigner les vampires. Oh mon Dieu! Oui, savon anti-vampire ail et eau bénite qui contient le même miel luxueux et le lait de chèvre que dans les autres savons de la compagnie, mais il est spécialement fabriqué pour repousser les vampires les plus agressifs. Ça vient de Pojo's Pure Vermont Soaps, un puissant mélange d'huile d'ail et d'eau bénite qui vous permettra de faire disparaître le danger d'une attaque de vampire simplement en vous lavant. Donc tu pues après ça, là. C'est clair que tu sens l'ail. Et c'est sûr. Il y a un savon de ce genre est vendu 10 $ habituellement, 2 16 $ et 3 pour 21 $. Donc vous allez sentir l'ail, mais au moins vous allez être protégé de l'attaque de vampire. Voilà. Ensuite, Tefal qui va lancer bientôt une poêle connectée intelligente. Tout est intelligent dans la vie de nos jours. Mais oui, il faut être intelligent maintenant. Pas le choix. Donc, ne plus rater la cuisson de sa viande, de ses légumes ou de son poisson. Voilà l'objectif de cette poêle intelligente équipée d'un capteur de température. Avec son module électronique dans la poignée, elle déclenchera un bip sonore pour ajuster la cuisson. De quoi simplifier la préparation des plats à partir du second trimestre de 2017. La nouvelle gamme s'appelle Assisteo. Ça va être vendu une cinquantaine, je crois, de dollars. 39 €. Ça donne quoi à peu près? 520 $ canadiens. Non, je veux des euros, pas des dollars américains, s'il vous plaît. Ça veut. 60. J'étais proche, 60 $. Tefal ne compte pas s'arrêter là. En 2018, il y a une version connectée qui va voir le jour. Donc, avec son application dédiée, vous allez pouvoir réaliser une recette pas à pas pour réaliser de bons plats en famille ou seul. Mm-hmm. Si vous n'avez pas de talent en cuisine comme moi, ça pourrait être utile. Ensuite, un petit fauteuil qui fait fureur au Japon. Okay. Donc, le Japon qui a souvent des projets insolites, des produits insolites. Ici, c'est Buddy, un petit fauteuil très compact offrant diverses positions de maintien pour vous soutenir vers l'avant ou vers l'arrière avec un repose-tête qui fait aussi office de support pour vos bras quand vous jouez. Ah. Le tout est rembourré de mousse. Vous allez vous préserver le dos. Apparemment, c'est super populaire au Japon dans la catégorie maison sur Amazon. C'est disponible en ce moment. Donc, la chaise, si on la décrit un petit peu, ça ressemble à une langue. Ça ressemble à un siège d'auto. Oui, ça ressemble sinon à un soulier à talons hauts, mais sans le talon. Aussi. Aussi. Donc, t'as le devant qui est fait pour être pour s'asseoir dessus. Et t'as après ça comme un genre de dossier qui peut pencher vers l'arrière. Ou si tu t'assois vers l'avant, ça peut pencher vers l'avant. Donc, t'as plein de façons de te placer. C'est la Buddy Game Chair. Voilà. Du Japon. Ensuite, Rossignol et Pic Sport Intelligence dévoilent le premier ski connecté. Bon! Ah, là, ça arrête plus, là. On est encore connectés. Ça arrête plus! donc, on a installé un capteur Pic robot aux emblématiques Hero Master de la compagnie Rossignol. L'expérience du ski devient alors résolument moderne grâce à un écran LED placé au niveau de l'avant de la fixation. Grâce à ce prototype, le skieur peut bénéficier de l'intelligence en temps réel qui offre une compréhension autonome des gestes sportifs. Le skieur pourra ainsi mesurer instantanément sa performance et vérifier la vitesse, l'angulation dans les virages, l'explosivité dans les transitions de corps à corps. J'ai aucune idée de ce que ça veut dire, tout ça, mais je le lis. Ainsi que la force G subie dans les virages et bien d'autres indicateurs. L'idée est loin d'être mauvaise, nous disent les amateurs de ce sport. Ça coûte environ 1000 euros. Donc, ça veut dire quoi? 2000 $ environ. Ils sont fatigués avec leurs euros. Ouais, hein? Un peu. Ça fait environ 1500 $ canadiens. Ah, OK. Pas super. Je vais répéter. Donc, c'est l'explosivité dans les transitions de corps à corps. De corps à corps? De corps à corps. Corps à corps, C-A-R-R-E. Ah! Eh bien... J'en apprends à tous les jours. Oui, moi aussi. Tantôt, on a parlé d'un séchoir à main. Oui. Tu te souviens? T'as aimé ça? T'en voulais un? Clairement. Peut-être que tu vas vouloir le prochain aussi. C'est Pulse. C'est un appareil sans contact, donc t'as pas besoin de le toucher, qui te donne du lubrifiant tiède, réchauffé. Pardon? Et non pas froid, du lubrifiant, Tania. Oui. Du lubrifiant. Donc, on peut acheter pour 250 $ ou sinon garder, évidemment, votre petit contenant de lubrifiant en dessous de votre oreiller ou ailleurs. En toutes vos fesses, couvez-le un peu. Mais ouais, vous pouvez l'acheter sans contact. C'est comme le distributeur de savon là, qui était bien populaire le 3, 4, 5, ben 6 oui, ans. Mais là, je vais t'avouer que ça m'intéresse moins que le séchoir à main. Ah, ben les deux vont ensemble pourtant, parce que s'il y a quelque chose qui devient collant, c'est bien... C'est bien ça. C'est bien ça. Ensuite, allons-y avec la Lovebox, une petite boîte connectée en bois pour les plus romantiques. Après le lubrifiant, vous allez pouvoir avoir une belle soirée. Prends la petite boîte. La petite boîte. Lovebox, une start-up française basée à Saint-Amour. Je pense que c'est prédestiné. Oui, c'est ça. Son produit s'adresse aux plus nomades, aux plus amoureux de longue distance, lesquels peuvent avoir du mal à montrer leurs sentiments à plusieurs heures de route, leur attention quotidienne pour l'autre d'une autre manière qu'avec des messages instantanés ou des appels Skype. Donc, le principe ici, c'est qu'on envoie des messages via l'application mobile gratuite Lovebox, où que vous soyez. Et lorsque la boîte le reçoit, le petit cœur se met à tourner. Hein, pour ensuite afficher le dit message. C'est vraiment, mais vraiment quétaine. Incroyable. Plusieurs versions sont proposées, y compris des packs de 2 et les prochaines livraisons s'en viennent. Donc, ça a été annoncé aussi hier. Ça date quand même du mois de janvier, mais j'en avais pas entendu parler encore. C'est vraiment, vraiment quétaine. Je pense que j'aime mieux recevoir un message texte puis recevoir un appel téléphonique que de recevoir une boîte de même. Une palette de chocolat. Franchement... non, je trouve ça vraiment inquiétant. Ouais. Ensuite, t'as déjà sûrement vu sur Internet là, les habits, les petits pyjamas pour enfants ou que tu pouvais genre les utiliser pour balayer le plancher. Là, ben oui. Bon, on connaît ça. Maintenant, il y a des souliers aspirateurs. Oh mon Dieu. C'est la compagnie comment t'appelles ça, de pièces de voiture, là, genre. Ouais. Denso, qui nous amène les Ecology Shoes. C'est des souliers aspirateurs. Donc, c'est des souliers plateforme avec un petit aspirateur à l'intérieur. Donc, quand tu te promènes, tu vas aussi ramasser les déchets. Franchement! Ça existe pour vrai? Mais non, c'est sûr, c'est une blague. Mais ça devrait pas. Ben ouais. Mais non. Apparemment pas. Apparemment que c'est vrai. Que voulez-vous? Hey, c'est lettre, là, comme soulier. C'est affreux. Hein? Continuons avec, tiens, un autre produit du CIS du mois de janvier. Je sais que c'est super loin. Mais c'est le bracelet connecté qui sait si vous avez trop bu. Ah, c'est pas fou, ça. C'est bien. Contrairement au simple capteur d'activité qui compte vos pas, la création de Milo Sensor se propose de compter les molécules d'alcool qui affleurent à votre peau pour évaluer la quantité d'alcool ingérée. Son capteur électrochimique basé sur des enzymes est en mesure, semble-t-il, de convertir l'alcool en un courant électrique. Ce système permet d'obtenir l'alcoolémie du porteur de manière tout à fait discrète et de transmettre l'information à l'application dédiée sur votre téléphone. Et Proof ne s'arrête pas là. L'appareil est aussi capable de prédire le moment à partir duquel votre corps sera débarrassé de l'alcool pour pouvoir commencer à peut-être prendre sa voiture. Le bracelet Proof de Milo Sensors a pour vocation de permettre à ses utilisateurs de prendre une décision logique et raisonnée concernant l'alcool. Proof va faire l'objet d'une campagne de financement participatif, bien sûr. On nous dit entre 100 et 150 $ américains. C'est bien. Si c'est pas déjà sur Kickstarter. Ensuite, le jean du futur est vibrant et vous aide à vous repérer dans la rue. C'est une start-up de Mulhouse en France. Est-ce que c'est en France? Non. Oui, société française, produite par Spinali Design. Voilà, essentiel est le nom d'un modèle de jeans high-tech produit par Spinali Design. Parce qu'il a. Pourquoi est-ce qu'il est high-tech? Parce qu'il embarque un GPS et des capteurs vibrants. Ben non, franchement. Voilà. Donc, un vêtement en jeans équipé d'un système vibrant pour transmettre des informations à son porteur. On parle surtout d'indications de direction, puisque le vêtement est aussi doté d'une puce GPS associée à une application de navigation. Selon l'emplacement des vibrations, le jeans pourra vous indiquer de tourner à gauche, à droite ou de faire demi-tour. Je me demande si c'est les fesses, les c'est cuisses. C'est quoi demi-tour, ouais? Ouais, les deux en même temps, peut-être? Je sais pas. Aucune idée, peut-être que tu peux demander où tu veux que ça te vibre. c'est lié au téléphone de l'utilisateur, ça permet de notifier l'arrivée de courriels importants ou de rendez-vous. J'imagine que c'est une autre sorte de... De vibre, ouais. Il y a des modèles différents, jupe, short et pantalon, etc. Wow. Hey, c'est une blague. Non, ben non, malheureusement, il n'y a rien qui est une blague là-dedans, apparemment. Ensuite, un système intelligent, bien sûr, de la douche pour la douche. Qui connecte votre iPhone pour une expérience de douche personnalisée. D'accord. C'est la compagnie de robinet, là, Moen, qui a annoncé qu'ils vont révolutionner l'expérience de la douche avec le début de You by Moen. Donc, c'est un système de douche par Wi-Fi dans l'info nuagique qui amène la connectivité mobile et des préférences personnalisées de l'eau dans votre salle de bain. Donc, c'est un système de valve qui doit être installé par un professionnel et ça vous permet de contrôler la pression d'eau avec un robinet numérique. Qui offre un contrôle de la température et la possibilité de connecter jusqu'à 4 appareils comme des têtes de douche intelligentes, j'imagine, douche à main, pomme de douche qu'on peut prendre dans sa main, des body sprays et autres. T'as aussi le contrôle avec un écran LCD de 5 pouces de diagonale qui n'est pas tactile. Ok. Wow. Tant qu'à faire, mais là, tactile. C'est ça. Et qui vous dit aussi le statut de votre douche grâce à des notifications sur l'écran. Ok. Ouais, ok. C'est ça, j'ai rien d'autre à dire. Tu pourrais par exemple démarrer ta douche alors que t'es encore dans ton lit pour pouvoir attendre qu'elle soit à la bonne température, ce genre de choses-là. Tu pourrais avoir aussi un timer qui va éteindre la douche, la rendre froide. Hey, c'est de la lâcheté, là. Non, tu sais, quand les membres de ta famille prennent leur douche trop longtemps, hey Tania, là, tu mets l'eau froide. Un alarme. Ouais, bip, genre. Bip, bip, bip. Ah, ça va. 12 paramètres personnalisés pour votre douche. Et ça dit que les températures varient entre 60 et 120 degrés. C'est ce qu'on peut choisir dans l'application. C'est couleur beige. Je sais pas pourquoi on est revenu au beige dans ce cas-là. Et puis on n'a pas encore spécifié de date de lancement si c'est pas déjà fait. On mentionne que ça va être disponible en ligne et en magasin. Les magasins qui vendent des trucs de plomberie. Ensuite, une souris d'ordinateur qui mesure votre battement de cœur. Nouvelle souris à 71$ qui vient du Japon, la compagnie Sanwa Supply, qui mesure votre battement de cœur. Ça va déterminer si votre travail peut-être est en train de vous tuer. Hein? Ça envoie les données vers une application sur PC pour l'instant. Ça va venir sur les téléphones cellulaires plus tard. Et vous allez pouvoir regarder plein de graphiques pour vous dire que votre battement de cœur est pire à telle heure ou telle heure. Vous pourriez aussi vous acheter n'importe quel autre bracelet numérique pour plus d'options que savoir. Ou tout simplement courir sur un tapis roulant qui vous donne aussi le battement de cœur. Il y a plein d'options autres que cette souris intelligente de Sanwa Supply. Ensuite, Bionic Gym, c'est un stimulateur de muscles de jambes qui peut, présumément, on nous dit, brûler 1000 calories par heure. Et si vous allez sur la page sur assemblagewiki.com, il y a un excellent gif animé. Non, c'est vraiment troublant comme gif. D'un gars que sa jambe est en train de lui shaker, puis il fait comme... Ouais, c'est à peu près ça. Est-ce que je l'ai bien décrit, le gif animé? Oui. C'est c'est une campagne Indiegogo pour le Bionic Gym, donc un équipement de gym qui stimule vos muscles de jambes avec des pulsations électriques. Ça peut brûler, comme on disait, 1000 calories à l'heure alors que vous êtes couché sur le sofa en train de jouer à des jeux vidéo ou peu importe. Ça coûte 350$. Le projet a déjà surpassé son but de plus de 260 000$. Évidemment, les autres options seraient beaucoup moins chères que ça, comme de faire l'exercice et bien manger, comme on l'appelle. Mais bon, pour perdre du poids dans les cuisses, peut-être. Le poids dans les cuisses, c'est peut-être difficile à perdre. Je sais pas, là, je connais pas ça. Pas sûr. C'est comme n'importe quel autre... Ouais. Ouais, gras, ailleurs. Et tant qu'à parler de choses qui sont intelligentes, comme la plupart des gadgets qu'on a mentionnés aujourd'hui, voici une bouilloire électrique perfectionnée et connectée. Évidemment, il fallait pas oublier connecter. Ben non. Donc, c'est la bouilloire électrique perfectionnée par Stag EKG, une création de... c'est le nom du produit, ça, par la compagnie Fellow Products. Une bouilloire électrique, comme il en existe tant, si ce n'est qu'il est possible de sélectionner la température désirée de l'eau, entre 50 et 100 degrés Celsius. Donc, vous n'aurez plus besoin d'attendre que les bulles commence à se faire voir le bout du nez, là, ou encore c'est le sifflement de votre vieille bouilloire. Pour les plus modernes, la Stag EKG Plus embarque un module Bluetooth pour permettre de la contrôler via l'application mobile dédiée. Donc, si vous avez déjà de l'eau dans votre bouilloire, vous allez pouvoir, de votre salon, par exemple, partir de l'eau pour votre thé. Ça se paye, évidemment, tout ça. 109$ US pour la Stag EKG et 149$ pour la Stag EKG Plus. Les fonds ont déjà été récoltés, ils ont déjà atteint leur but. Et c'est prévu pour la rentrée 2017 en septembre et en octobre pour la EKG+. C'est beau, par contre. Mm-hmm. Je dois dire que c'est tant qu'à avoir une belle petite bouilloire, là, c'est une belle petite bouilloire. C'est vrai. Ouais. Voilà, hey, on a passé au travers. J'aime ça. On dirait que ça a bien été. Ça a été vite aujourd'hui. On a fait 25 gadgets ensemble. Tout à fait. Allez les retrouver sur assemblagerequis.com. Maintenant, on est rendu au moment de l'émission où on choisit une pièce au hasard du palmarès anglophone. Ben oui! On aime ça. Je sais pas, j'ai envie d'entendre King Gizzard and Lizard Wizard parce que je ne connais pas le mot anoxia, donc ça va nous permettre d'aller chercher ce que le mot anoxia veut dire. C'est l'assemblage requis pour encore 2h20. Anoxia, King Gizzards and the Lizard Wizard. Qu'est-ce que ça veut dire, Mathieu? Est-ce que oui, t'as trouvé? Ben, bien sûr que j'ai trouvé. Ça veut dire absence d'oxygène. Ah! Déficience en oxygène. Ben, c'est triste. Ouais. Comme de la... Non. Hein? Je voulais dire autre chose, mais c'est correct. Comme quoi? Je voulais dire comme de l'anémie, mais c'est pas ça pour tout. Non, du tout. Non, en médecine, c'est une absence d'oxygène qui se rend jusqu'au tissu corporel. OK. Donc, anoxia. Anoxé. Mm-hmm. Attends, en français, c'est quoi? Je vais chercher en français. J'allais tout chercher ça en anglais à la place de chercher en français. C'est pas fort, hein? Mathieu! C'est pas fort, je m'excuse. Anoxie, c'est ça. Bon. Correct, ça. Simple demain. On prend une pause au retour. Petit bloc de suggestions musicales, puis après ça, on va voir Xavier Miklich. OK, oui! Aujourd'hui. Vous êtes assez fous. 89.1. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Toujours à Assemblage requis pour la semaine du 29 mai 2017 à Tania Bonheur. Et Mathieu Plante. Mm-hmm. Maintenant, avant de passer à Xavier Miklich qui est en direct de je sais pas trop où, dans un camp de vacances quelconque. On sait pas, il est parti sans nous donner trop d'informations. Il y a deux semaines, il nous a dit je reviendrai pas avant l'automne. C'est ça. Et puis là, il va être avec nous tout à l'heure par téléphone dans une quinzaine de minutes avant ça. Par contre, c'est pas... Dans une quinzaine de minutes environ. Mais avant ça, il manque un mot là-dedans. T'sais. C'est ça. Mais avant ça, c'est le moment de faire un petit bloc qu'on fait une fois de temps en temps, ben, ben spécial, de suggestions musicales. Et on met ça à l'intérieur de Tu manges mon cœur. Mon cœur, notre chronique de suggestions, de choses qu'on aime, de trucs avec lesquels on est en amour. Oui. On n'a pas fait ça depuis 2 ans et demi environ comme chronique, mais quand même. J'étais pas là. T'étais là, on l'a fait une fois. Ah oui, début. Ok, ouais. Bon. On a parlé d'émissions de télé pour enfants. Oui, c'est vrai, longtemps. Ça fait vraiment longtemps. On n'y pense plus de le faire, cette chronique-là, mais on devrait, mais tu sais, oh. D'habitude, ça rentre tout le temps dans une autre chronique. Fait pourquoi en faire une spécifiquement pour ça? C'est surtout pour ça. Mais aujourd'hui, on a le temps. Donc, on commence avec toi. Tu nous as découvert un petit groupe qui apparemment est proche de toi. Eh bien oui, tout à fait. En fait, c'est mon cousin qui fait partie d'un groupe du côté de Québec. Et ils viennent tout juste de lancer leur premier démo. Donc, le band s'appelle Sweet Tooth. Vous allez voir, c'est du style blues rock. C'est vraiment un classique rock, je pourrais dire. Puis, ce sont 4 gars de Québec, 4 jeunes gars de Québec qui commencent justement à faire parler d'eux tranquillement, pas vite avec ce démo-là. Et j'ai comme l'impression que si vous allez chercher sur Facebook le band, eh bien, vous pourrez avoir très bientôt un spectacle dans pas long. Donc, soyez à l'affût de l'information si jamais ça vous intéresse. Mais c'est vraiment le seul genre d'information qu'on a par rapport à eux présentement parce que c'est le tout premier démo et vous allez pouvoir vous en faire votre propre opinion, voilà. J'aimerais ça qu'on entende leur seule et unique pièce, c'est bien ça? C'est ça. C'est ça. C'est She Don't Know. She Don't Know. She Don't Know. C'est ça, c'est à Assemblage requis. Oui. Yeah, it's an itch against guys, but I tell you my best. don't know Sweet Tooth. Wow, la notre première plaie, c'est malade. Ah, j'adore ça. C'est très bon. Toujours dans le bloc, tu manges mon cœur après ta petite découverte familiale musicale. Oui. De Sweet Tooth. Moi, j'ai reçu un message par courriel de quelqu'un qui avait envie qu'on joue sa musique. Ben oui. Pourquoi pas faire ça une fois de temps en temps? C'est une bonne idée. Donc, c'est Christian P qui a lancé son album Au bout du monde. Il dit qu'il est psycho-éducateur et passionné par les relations humaines. Il a été profondément inspiré par le cheminement des hommes et des femmes et l'album est empreint de belles poésies et d'une grande sensibilité sur une musique pop-folk, nous dit-il. Il va être en spectacle le mardi 6 juin prochain au Gambrinus à 21h. C'est la raison pour laquelle il nous a écrit, pour laquelle on va jouer sa chanson. Donc, écoutons tout de suite l'extrait-titre « Au bout du monde », Christian P à Sondage Rocky sur C'est fou. Amène-les dans le soleil, amène-les dans le printemps quand décolle. Humez l'air du temps, errez dans le vent, quittez le sol. Allez, finis les soupirs, oubliez ces matins fatigués. Ouvre-moi tes ailes, prends ma main, faut s'envoler. Si on partait en voyage au bout du monde, délesté de leurs ouvrages, nos âmes vagabondes, et danser dans les nuages pendant que la pluie tombe. Amène dans les enfants aussi. Suivre le courant, changer l'air du temps, devenir libre. Le ciel nous joue des tours, c'est beau de te voir sourire, mon amour. On va provoquer nos destins, faire pied de nez au quotidien sédentaire. Et s'arracher aux profondeurs, saisir la brise et continuer, continuer. Si on partait en voyage au bout du monde, délesté de leur bagage, nos âmes vagabondes, rayonner dans d'autres paysages, sur tous les toits du monde. Juste un dernier message et partir en tronc. La pièce Au bout du monde de Christian P qui va être en spectacle le 6 juin prochain au Gambrinus à 21h. On l'annonce sur nos ondes, donc c'est un partenaire, le Gambrinus et Christian P. C'est en spectacle, c'est le 6 juin, ça c'est mardi prochain. Ok, oui. Toujours dans le bloc Tu manges mon cœur, où on vous présente des chansons qu'on avait envie d'entendre puis qui ne fêtent pas vraiment dans d'autres chroniques. Je pense qu'on peut le dire comme ça. Oui, hein? Oui, tout à fait. Et le prochain qu'on s'en va entendre, en fait, c'est un de nos anciens chroniqueurs, Olivier Lessard. Ah! Oui! Tania s'en rappelle peut-être pas parce que je crois que c'était avant elle. Non, mais bon! Donc, ils préparent avec l'École nationale de la chanson leur spectacle de fin d'année qui va avoir lieu les 7 et 8 juin. Donc, après être allé voir Christian Pay le 6 juin au Glambrinus, vous allez décoller vers Granby et Montréal avec Philippe Braque au Franco pour ce spectacle de l'École nationale de la chanson. Donc, c'est Olivier Dessart qui nous a envoyé une de ses propres chansons. Tiens, pourquoi pas, on va l'entendre lui-même chanter. On l'a jamais entendu chanter à l'émission. Il faisait sa chronique dans le temps de suggestions musicales un petit peu internationales ou c'était pas mal folk son affaire. Donc, on s'en va entendre. Ça va rester dans le même genre. Voici Au bout du pays. Après, Au bout du monde, c'est Au bout du pays. Il va moins loin, lui, par contre. C'est ça. Il voit moins grand. Olivier Dessart, assemblage requis sur ses fous. La semaine est finie, mais je suis pas parti. Mon char est en cours, toi en Gaspésie. J'aurais bien voulu aller te retrouver, mais la vent m'a stallé à 20 pieds de la mer. Je peux plus continuer. Les deux yeux fermés, tu ne m'attends plus au bout du pays. Tu ne m'attends plus au bout du pays. Tant qu'à rien faire de moi, je suis retourné à terre. Encore en jachère pour la réveiller. De montrer les grands champs d'avoine qui ont poussé dans le rang. On pourrait dormir dehors comme avant. J'ai encore envie de te cacher du vent. Et si la chance tournait, que les oies s'alignaient, tu pourrais m'emmener au bout du pays. Tu pourrais m'emmener au bout du pays. Tu pourrais m'emmener au bout du pays. Tu pourrais m'emmener Olivier Lessard avec Au bout du pays. Oui, Olivier Lessard, notre ancien chroniqueur à Assemblage requis dans le temps de la chronique. Le coup en passe. Dans la chronique, tu manges mon cœur. Parlons un petit peu du spectacle dont j'ai abordé tantôt quelques petits mots. Là. Ça se passe à Granby et à Montréal, comme j'ai dit. Après avoir fait salle comble l'année dernière, l'École nationale de la chanson revient en force avec 16 nouveaux étudiants qui présenteront un spectacle les 7 et 8 juin prochains avec l'éclaté Philippe Braque, qui est révélation de l'année au Gala de la 10 2015 en tant qu'artiste invité. Les étudiants vous présenteront de nouvelles chansons fraîchement sorties du four, fruit de leurs efforts des 10 derniers mois, en plus d'accompagner Braque le temps de quelques-unes de ses chansons. Donc pendant ce spectacle, vous allez avoir la chance d'entendre La Dubuc, Jessie Benjamin, Marie-Ange, Vicky Simone, Véro Pelletier, Loma, Caroline, Sarah, Olivier Mitchell, Alison Pétrin, Olivier Lessard, Sylvain Papillon-Gignac, Sam Tellen, Alex Météor, Simon Elliott et Joseph Vatican. Donc c'est la liste des gens qui vont participer à ce spectacle-là qui a lieu à Granby le 7 juin, c'est au Cégep de Granby à 19h30, Auditorium des Jardins. et ensuite le 8 juin à Montréal, au Francophonie de Montréal, à l'Astral à 19h30. Et les deux fois, Philippe Braque va être l'artiste invité. Ouh, ça bouge! Ok, oui, allez voir spectacleenchanson.com, pour plus d'informations. Et on remercie Olivier Lessard, bien sûr, pour sa pièce. Il était supposé venir nous en parler en studio, mais ça, on a essayé 1000 dates différentes, puis ça ne fonctionne jamais. Ouais, ça fonctionne jamais. C'est un gars occupé, tu sais, Olivier Lessard, faut le comprendre. On le réinvitera là, un jour, il peut revenir quand il veut. Ben oui, tout à fait. Et une dernière pièce, oui, ça arrête pas cette chronique-là. T'sais, on la fait très, très rarement, la chronique où on prend les bands qu'on nous envoie puis qu'on les fait jouer, tu sais, une fois de temps en temps. On devrait faire ça plus souvent à la place d'en mettre quatre dans la même chronique. Mais j'avais envie qu'on se quitte avec une pièce de Days, les gagnants des Mardi de la Relève l'année passée, c'était en 2016, si je me rappelle bien. Donc, on va aller les entendre avec une pièce qui s'appelle Long Gone. C'est leur pièce en français, donc qu'ils ont pu produire grâce à leur victoire au Mardi de la Relève. Eux, on va les avoir en entrevue dans les prochaines semaines. C'est déjà en train de s'organiser. Donc, Days avec Long Gone sur l'album Get Zapped. Ça se passe tout de suite à Assemblage Requis sur C'est Fou. Son cœur un beau gosse sur un plateau d'argent. Génération Tinder, tu m'auras fait voir comme les loups ont de grands dents. Ça se dit les meilleurs, mais vous êtes toutes pathétiques quand vient de mettre les pendules à l'heure. Oh oh oh, oh yeah. Oh, surprenant que cool, on joue le poids des problèmes. Tu vois plus le beauté dans le noir. C'est clair qu'avec le temps, car mon fils serait en calvaire. Y'a pas perdu son élan. Y'avait une bande dont la balle est dans son camp. Oh oh oh, oh yeah. Oh, la pièce Long Gone. Je suis allé voir sur Facebook. Honnêtement, le Gambrinus sont bien fins, sont notre partenaire, mais c'est pas les plus fiables côté Internet. On va se le dire. Je pense qu'ils s'assumeraient là-dedans puis le diraient eux-mêmes. Je sais qu'ils ont participé au Mardi de la Relève en 2015 parce que j'ai vu une page Facebook là-dessus. Peut-être qu'ils ont participé en 2016 aussi. Là, je suis pas trop sûr là-dessus. On leur demandera en entrevue quand ils viendront dans les prochaines semaines. Tout ça pour dire que tantôt, on a fait jouer ton artiste que t'as choisi tantôt était un membre de ta famille, c'est bien ça? Oui, Sweet Tooth. Ben, moi aussi. Dans Days, il y a Simon Plantardy. Pas tardif, il faut dire, eux. C'est, ouais, c'est dans ma famille aussi. Fait que chacun notre petit côté musical. Hey, on a le droit de faire de l'autoplug. C'est okay? Ça. C'est notre show. Donc, daysbandcanada.bandcamp.com si vous voulez en savoir plus. Les membres sont, entre autres, à part Simon, Thierry Audet, Philippe Tourville et Nicolas Demers Jutra, un quatuor de rock trifluvien qui fait de l'acouphène, âme douce, maître des bouchons, dit-il. Days TR sur Facebook. Et puis, c'est ça, c'est super bon. Days, on leur parlera en studio à un moment donné. Hein? Mais oui. On prend une petite pause au retour. Enfin, Xavier McLeish va être avec nous pour nous dire quoi ne pas dire, quoi ne pas faire. C'est vrai. Dans sa chronique sur les, en direct d'un camp de vacances, hein, quelque part. Là, c'est là. Aujourd'hui. C'est fou, 89. Assemblage anti pour toi aujourd'hui. Bonjour à son équipe pour la semaine du 29 mai 2017, Tania Bonnet. Et Mathieu Plante. J'ai dû réfléchir au fait qu'on était au mois de juin, mais c'est quand même la semaine du 29 mai. Ça m'a un petit peu mélangé dans ma tête. C'est vrai. Parce qu'en tant que telle, la semaine commençait en mai et va finir en juin. C'est un monde de fous. Ah, que oui. Un monde de fous. Parlant de fous. Oui. Tu vois, les liens, des fois, quand j'essaie de les faire, ça marche pas. Ouais, trop. Non, il faut pas. Faut pas bouleverser les gens. On accueille Xavier McLeish et voici sa conique. Quoi ne pas dire, quoi ne pas faire. Parlez-vous le français? Parlez-vous le français? Non. Salut Xavier McLeish. Salut, ça va bien? Ça va bien, toi? Et ça va super bien. Ah, c'est à fun. Part que c'est la saison du pollen et que toutes mes amies ont l'air de vivre une grosse grippe d'hiver. Oui, toi aussi. Non, moi, je suis correct. Moi, j'ai pas d'allergie. T'es chanceux? Vous ça, vous, les allergies? Écoute-moi, Xavier. Écoute-moi, Hey, non, mais tu sais que c'est la seule période où, si tu ronfles, on pense que tu peux être morte. Oui. Parce que quand tu ronfles le gobelet, comme ta sécrétion tombe dans tes bras, juste... Ah non! C'est dégueulasse. Moi, j'ai des allergies à l'année, si tu veux savoir. Fait que je sais comment vous vous sentez, mais à l'année longue. Fait que je me garde la pilule. Moi, c'est l'hiver. Moi, l'hiver, pas capable. Non, quand c'est sec. Aujourd'hui, je m'en vais sur un livre, vous allez voir. Je parle de camping. Oh! OK. Oh. Ben, ça fait bien l'été. Là. Parce qu'on doit dire, avant que tu commences à déblatérer puis pas nous laisser parler pendant une demi-heure, on doit dire qu'on t'avait dit au revoir il y a deux semaines à peine. Tu t'en allais pour l'été. T'étais pas supposé revenir jusqu'au mois de septembre. Qu'est-ce qui s'est passé que t'as pu faire une chronique aujourd'hui? Raconte-nous ça. Je vais pouvoir peut-être encore un petit peu, là. OK, mais juste saupoudrer. Plus dans les ondes, peut-être, dans les prochaines semaines, là, pour le mois de juin, vers 4h05, juste à la fin de l'émission. Pas trop. Donc, parce que dans le fond, on reçoit des groupes scolaires en ce moment, donc les groupes partent. Mm-hmm. Puis donc, ils retournent chez... Non, mais ils retournent dormir chez eux, tu comprends? OK, oui. Ils arrivent le matin à 8h, puis ils partent à 2h d'après-midi, puis c'est sûr qu'il y a des jeudis, qu'il y a des groupes qui partent à 3h, fait que là, je vais pouvoir vous parler vers 4h. Enfin, tu fais quoi le reste de la journée? Est-ce que tu restes au camp quand même, ça? Oh, à chanter les chansons autour du feu de camp avec des guimauves? Ben non, je fais du camping! Oh! C'est ta passion, moi, donc! Attends, tu fais du camping, écoute, genre tu leur montres comment faire du camping? Non, l'Indian Game Hunter, on marche sur le terrain, on fait un bout, puis on se rend jusqu'au bout du terrain. Mais on fait du camping, on a du terrain en masse, on fait de la survie en forêt, on fait de la forêt. Les moniteurs sont des amis aussi, ils sont c'est bien! Ouais, à fond, on se fait comme des soirées entre amis, mais vu que la seule chose qui est proche, c'est un dépanneur, ben, on peut pas vraiment aller fêter, fait qu'on se fait des feux de camp, puis on fait du camping, là, on se fonde des tentes. Déjà qu'il y a un dépanneur proche du camping, je trouve ça bizarre un peu. Non, c'est pas tant éloigné. Proche du camp. OK. C'est quand même dans un village, t'as trois choses essentielles. Oui. Une place pour acheter du pain, du beurre, du lait. Puis de la bière. la place pour tanker puis la SAQ, mais nous, dans notre village, c'est toute la même place. Ah, bon. C'est bien. Tant qu'à faire. Le dépanneur, c'est comme la caisse, c'est comme la caisse populaire ou le croque-mort. C'est comme la comme dirait Fred Pellerin, c'est le lieu où se comptent tous les légendes. Exactement. Ah, wow. Où se raconte toute l'histoire. Les grands esprits. Es-tu à Saint-Élie-Caxton? C'est ça que tu essayes de nous dire? Non. C'est quoi le nom de ta ville? Village. Au Éboulements. Au Éboulements, avec un Z apostrophe. Oui. Les Éboulements. Les Éboulements. Ouais. Je savais même pas si c'est une place qui existait. Avant, c'est entre Baie-Saint-Paul et la Malbaie. Ah, d'accord. Est-ce que c'est parce qu'il y a beaucoup d'éboulements pour vrai? Est-ce qu'il y a vraiment des dangers? Que, hey, mon Dieu, si vous voulez qu'on embarque là-dedans dans ma chronique, je peux faire. D'abord, c'est qu'il y a un météorite qui est tombé à l'époque. Un météorite? Oui, un météorite qui est tombé il y a plusieurs années. Ça a créé un choc, hein? Quand le météorite tombe, on va se le dire, ça vibre. Ouais. Et il y a un éboulement de terrain qui a créé une ville. Donc, l'angle de la pente, c'est créé par un éboulement de terrain. Wow. Donc, un éboulis qu'on appelle, donc l'éboulis, a créé un autre village en bas qui s'appelle Saint-Joseph-de-la-Rive. Et depuis ce temps-là, le village en haut s'appelle les Éboulements, en bas Saint-Joseph. Donc les Éboulements, parce que c'est là que c'est parti. Hey. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que c'est exactement la même histoire que tu racontes aux jeunes qui arrivent au camp ou vous leur faites à croire qu'il y avait des extraterrestres dans cette histoire-là? Non, attends, là, si tu veux qu'on parle de l'histoire de camp, on a pour une demi-heure. Mais non, on compte la vraie histoire là, que je viens de te conduire, mais on la compte en légende. En plus du temps. Ouais, en légende. En rendant ça dramatique, là. En a une histoire un peu comique et drôle, puis en écrivant 3-4 chansons pour que le feu canne. Hey, j'espère que... Fais-nous une chronique là-dessus un jour. Traite-nous comme tes petits-enfants de camp dans une prochaine chronique, là. Je suis pas sûr, j'aimerais ça. Mais je pourrais vous faire un conte et légende, mais il faudrait que je sois le robot, conte à robot. Oui, compte à rebours les mercredis matin, 10h. Oui, je vais faire une chronique à compte à rebours. Faudrait. Donc là, t'es là pour nous parler de camping. De 5 personnalités possibles dans un camping. Oh, okay. C'est bon ça. Donc, ils ont tous des avantages, mais je veux surtout parler des inconvénients de ces personnes-là. Mm-hmm. Parce qu'ils en ont beaucoup. Ceux qui puent, hein? Donc, la première personne, vous allez sûrement... Est-ce que vous avez déjà fait du camping? Oui. Oui, ça fait vraiment longtemps. Vous allez peut-être vous reconnaître, mais dans le fond, t'as l'expérimenté. Oui, il sait tout. Lui, non, mais il sait tout, mais en plus, il a tout. C'est comme là, il y a l'auvent, il y a la dinette, il y a le barbecue. Ben il est dans une grosse roulotte. Ça fait 40 ans qu'il fait ça. Il vit plus de l'humidité, lui. Lui, là, comme il n'est pas question qu'il vive de l'humidité, mais en même temps, c'est un gars, tu sais, il est là pour faire du camping. Il n'est pas là pour faire autre chose, tu sais. Non. Il est là pour. C'est comme un peu un saisonnier. Le gars, il est plus là l'année. Puis il connaît les terrains. Oui. Il y a le 44, parce que le 44, ça roulette à rendre en angle. Tu sais, ce gars-là. OK, oui, 44, je comprends rien de tes termes. Le terrain, il y a du numéro de terrain. Quand tu vas oui, oui, oui, oui. Ben lui, il y a le 44, parce qu'il sait que c'est le meilleur, parce que sa roulotte, tu sais, elle rentre bien, là. Ah, ouais. Là, c'est ça. Il sait comment le parquer. Tu sais, il connaît l'angle pour qu'elle rentre dans le coup, là. Ça, c'est l'expérimenté, c'est aussi le gars qui connaît tout le monde. Ben oui. Ah, ouais. Parce qu'il est venu souvent, tu sais, puis il y a le rabais du propriétaire. Mm-hmm. Il y a comme une passe VIP. Ça, c'est le premier. C'est comme le classique camping. Ouais. Après ça, on tombe dans du monde un peu plus funky. On va dire ça comme ça. Ouais. On a tout le gars de survie. Notre ami, le gars de survie, le deuxième. Mm-hmm. Lui, il part un feu avec deux morceaux d'écorce, puis il tourne une branche entre ses doigts avec une corde. Là. Ouais. Il veut dormir à Belle Étoile. Il a un sleeping bang, moi, 40 en été. Mm-hmm. Il fait une tente avec une bâche. Ouais. Oui. Des sacs Ikea. C'est ça. On a tout cet ami-là qui veut partir. Les s'mores, pour lui, c'est pas du camping. Ah non. Mais non. C'est trop grave. Il va tuer son porc-épic avant de souper. Ça, c'est l'aventurier. Oui, c'est ça, c'est l'aventurier du groupe. Il a son chapeau rond avec sa corde en dessous. Exactement. Il a l'air cool, lui, quand même. Puis si jamais il manque de stock, il y a 3-4 barcliffs dans son sac. C'est tout le temps. Non, mais non, c'est vrai. C'est pas pour survivre. Tous les aventuriers ont des barcliffs dans leur sac. Il y a deux canifs suisses, il y a 8 paquets d'allumettes, mais il ne veut pas s'en servir. On a juste un gars de survie. Oui, c'est il y a ça. Salon frontal rouge. Rouge, absolument. Ben oui, parce qu'il ne faut pas que ça soit trop clair pour qu'il voie les étoiles. Quand c'est ça. Est-ce qu'il y a une boussole dans le cou aussi? Ben, pas souvent la boussole. Moi, je dirais que c'est rendu là quand tu es un gars de survie, tu es rendu avec un GPS. Tu sais, les GPS, ah, oui. C'est un peu comme faire du geocaching. Wow. Ouais. Tu sais, ce gars-là. Ça, c'est le gars que je trouve le plus spécial à avoir allé. Ben oui. Mais en même temps, il est jamais au bon moment. Tu sais, comme si tu t'entends, Non, mais tu sais, t'es en tente, tu juges. Si t'es en roulotte, t'es juge. Si t'es en roulotte, t'es juge. Ouais, c'est vrai. Lui, il dit, non, mais c'est pas du camping. Lui, c'est du camping sauvage, tu sais. Il part une belle semaine dans le bois, il revient, il a perdu du livre, mais au moins, il est en vie. C'est ça, il a juste amené une petite couverte, se coucher entre un arbre et une écorce, là. Oui, il a son hamac, la fois qu'il est survie. C'est la troisième personne que moi, je pense qu'il y a beaucoup de monde, c'est la personne de la ville, hein? Ben oui, ce serait moi, ça, faut je pense. Faut pas qu'elle sorte la boucane, hein, parce que sinon, on va se faire juger par ses amis. Non, c'est ça. Elle va se lever le matin, elle se met du vernis, puis du mascara, elle se remet en robe à tété, au cas où qu'elle voit un coup de soleil, elle se crème sur trois morceaux. Alors, c'est moins moi, dans ce cas-là, mais ouais, quand même. Mais là, attends, toi, est-ce que t'es en train de dire qu'il faut pas se crémer quand on va faire du camping? Ouais. Hey, on va pas être cassé de la peau. Hey, tu veux du off pour les insectes et tout, là? Ben, où tu mets de la gâte à grande feuille puis tu t'affrottes sur le corps, mais ça, c'est ça, la décision. C'est le gars de survie qui fait ça. OK, le gars ouais, de survie, c'est ça. Il se frotte la gâte à grande feuille sur le corps puis il fait comme, je vais être un chevreuil. Ouais, exact. Bon. Mais la personne de la ville, elle touchera pas au bois. Elle prend pas le feu, tu sais. Au cas où qu'elle pogne avec, tu sais. C'est ça. La personne de la ville, c'est un peu comme tu sais, elle, en dehors de Montréal, il n'existe rien. OK, ouais. Elle n'est pas sortie souvent de l'île. Pourquoi tu mets ça vraiment au féminin comme ça? T'as la personne, ben moi, c'est, hein? Mais c'est une personne. Okay. Moi, je suis toujours sur le gars de survie, la fille de ville, mais c'est péjoratif. C'est, ouais. Ça veut rien dire. C'est juste l'hypothèse que je veux, parce que je parle plus en fonction de ma gang d'amis. Ben oui. Tu devrais leur donner un... Elle veut toujours aller en camping en pensant que ça va être cool. Ouais. Cette fille-là, la personne de la ville, elle veut toujours aller en camping en disant que ça va être cool. Comme, yes, on s'en va en camping. En disant qu'il est le Wi-Fi. On va entendre les oiseaux. Puis là, elle pompe trois jours de pluie, puis elle chiale parce qu'il est pris dans une tente. Ben, je comprends, voyons. Pas payé pour ça. Hein. C'est qu'elle propose toujours à son chum ou à la personne qui l'accompagne d'aller acheter dans un magasin proche du coin qui est probablement un Art ou un Rossi. Non, mais quand t'es en camping, c'est toujours ça qu'elle est proche. Oui, c'est vrai. Comme un Corvette. Un Corvette, wow. Tu sais que t'es en région quand t'as un Corvette. Ouais. Non, c'est non, vrai. C'est comme ça. Ma quatrième personne, c'est l'artiste. Ouh. Oh, OK. Ce gars-là, toujours sa guitare. Matin, midi, ben soir, oui. Il est prêt à faire une tune. Lui, il est tout le temps sur le bord du feu, là. C'est lui qui chante quand vous allez crier le bois. Il a sa bière de microbrasserie, son jardin en laine de yacht, il joue de la guitare. C'est clair. Il est toujours prêt. Ce gars-là, il rassemble 450 personnes autour d'un feu, puis il joue sa guitare, puis le monde l'écoute. C'est la personne qui est tout le temps apprécié de tout le monde, parce qu'il c'est met vrai? Un petit vide dans la place. Hein? Il est apprécié de tout le monde, mais en même temps, comme à un moment donné, t'es écœuré après 4 jours de camping, puis tu chantes les étoiles filantes. C'est tout le temps le même ouais, tout, ouais. Ouais, pas fou. Mais je sais pas que je compte les étoiles filantes, c'est une des chansons que j'adore, mais à un moment donné, pendant 4 jours en ligne, même moi, la saison d'Indon, je comprends. C'est là, mais ça, ouais. Tu sais, change de répertoire. Tu veux remix? Tu peux le droit de chanter du Sam Smith, mais c'est sûr qu'il y en a une couple qui envoie une shot. Mais tu sais, t'as l'artiste. Tu sais, ce gars-là, t'es toujours en petite chemise. Ben oui. Il promène les pieds. Hein, il va jouer à des sports un peu comme. Il va jouer à des. Je sais pas si tu connais les sports, comme les sports plus vieux. Tu sais, comme. Il va jouer comme. C'est pas le gars qui va jouer à pétanque. Non. C'est le gars qui va aller jouer au tchoukball, là, l'affaire avec la trampoline au milieu, là. Oui. Quand ça s'appelle, là, t'as une trampoline, faut que tu frappes dessus. En tout cas, c'est le genre de gars qui joue à des sports émergents. Ouais, c'est ça. Hein? Ben, un peu, il est proche du gars funky, là, je pense. Ouais. Il est proche du hippie. Ouais. Oui, c'est il ça. Il va jouer au volleyball parce qu'il doit être nu-pied. Ouais. T'as probablement une chance de le voir se fumer un joint sur le bord du feu c'est le ça. Soir. Ben oui, il doit traîner pour le soir, mais tu sais. Ça où il se prend un petit shot de whisky avant d'aller se coucher pour se détendre. Exactement. Le même gars qui à 8h le matin fait sa méditation sur le bord du feu. Ben c'est oui. Ça, fait du yoga. Du yoga, il respire comme si c'est important pour lui avant de se coucher. Ouais. Et finalement, t'as le patenteux. Le patenteux. Le gars du jeu. Tu sais, le gars, il s'est, au lieu d'aller s'acheter une boîte de washer, il s'en est fait une. Ok. Puis il y a les couilles Henri, là, le jeu avec les poteaux, vous savez, des petites couilles. C'est quoi, tu sais, il s'est patenté. Regarde, ma tante roulotte, là. Tu lui as fait une table, là, il est tout fier de te montrer son c'est comme le c'est le patenteux. C'est le gars oui. Qui s'est installé une toilette après sa roulotte. Là. C'est ça, c'est oui. Un gosseux. Là, il a fait ça à main. Là, do it yourself. Oui, c'est ça. Tu vois que le gars, il a pris 4 planches de bois, puis un anneau, puis il s'est décidé que c'était là-bas la toilette. C'est pas nécessairement ça, droit, mais c'est ça. Mais ça fait la job. Oui, c'est ça. C'est utilitaire. Puis moi, le patenteux, j'ai bien du fun à l'écouter, personnellement. Oui. Parce qu'il se croit. Des choses. Ouais, comme l'autre fois, là, j'ai lavé la piscine chez nous et puis. Il y avait du wawaron là-dedans. Il y a des termes, là. Des wawaron. C'est pas une grenouille. Non. C'est un wawaron. C'est un wawaron. C'est pas la même chose. Mais moi, ça me fait triper de. Genre de gars qui repeinture 4 fois sa maison par année. Là. Mm-hmm. C'est ça, parce qu'il y a juste ça à faire. Ben oui. Il y a juste ça à faire. Mais c'est, en même temps, c'est un bon gars. Tu sais, si jamais t'as un poteau de tente qui te lâche, il est capable de t'arranger ça en 4 secondes. Il est fier, parce qu'il y en a 8-9, ben oui. Il y en a 8-9 dans sa boîte de pick-up. De pick-up? Comme de plus pour lui. C'est sûr qu'il appelle ça son pick-up en plus. Hein. C'est ça. Ah oui, il appelle ça son pick-up. Il y a ça dans la boîte. Ah oui. Ben oui. Et oui, puis il y a sa drill dans sa tente, puis il dort à côté de sa chaîne. Là. Oh! Tu sais, genre de gars qui est capable de te construire une tinette. C'est un peu un ingénieur militaire. Il arrive à un problème, lui, il te construit ça. Comme, oh, gars, on va te régler ton problème. Moi, j'ai son 3-4 laps de son pick-up. Il te construit une tente. Voilà, tu peux dîner à l'abri des moustiques. J'avais justement de la cage à poules, tu sais. C'est ça, exactement. Il y a tout. C'est ça. Moi, je pense que, par exemple, dans ces 5 personnes-là, ça t'en prend un peu un de chaque. Ben oui. Ça te fait un équilibre. Est-ce que tu peux en avoir plusieurs du même? Parce que ça devient lourd. Oui, c'est ça. Mais en fait, c'est sûr que je vois que tu peux en avoir plusieurs, c'est l'artiste. Oui, oui, oui. Ouais, pour varier le répertoire. C'est ça. Varier le répertoire. Sauf que si tu as 3-4 artistes, ça se peut qu'ils jouent pas sans même note. Ah, oui, non, ça c'est vrai. Après ça, le pape en deux, c'est comme tu peux avoir. C'est le fun parce que tu peux les deux jouer au fer. Tu sais, si jamais tu écris un jeu de fer ou un jeu de pétanque, lui, il a les dimensions. Les deux peuvent te le sortir, puis à deux, ça arrange quelque chose de nouveau. Mm-hmm. La personne de la ville, c'est que ça va y faire un ami. Ben oui. Peut-être qu'elle sait pas de quoi parler, qu'elle veut parler de la nouvelle robe qu'elle s'est achetée, Michael Kors, ben, elle va avoir un ami. C'est que ça va des fois d'en avoir plus qu'une. Ouais. Ouais, c'est vrai. Le gars de survie, c'est qu'il va avoir quelque chose qui va. C'est comme une nouvelle aventure qui va commencer pour lui. Et il y en a qui disent que quand tu prends de la drogue, tu peux vivre comme des aventures. Lui, ce gars-là, il a juste besoin d'un ami dans le même style que lui pour les vivre. Ouais. Comme, tu peux vivre un trip, j'allais dire d'acide, la famille de son avec deux gars de survie qui parlent de se construire un chac en bois rond sur le dessus d'une montagne. C'est tout à ceux-là. C'est tout à eux. Puis c'est évidemment les expérimentés qui comme connaissent tout le monde, c'est pas grave s'ils sont plusieurs. C'est vrai. Puis, de toute façon, il connaît déjà tout le monde. Ouais. C'est son terrain de camping depuis 10 ans. Là. Mais l'important, c'est d'avoir un seul ours. Parce que ça peut être dangereux. C'est l'expérimenté, puis le gars de survie qui va te montrer comment s'en aller d'un ours. Ah, ben oui. Puis c'est clairement la fille de ville qui t'a amené du beurre de peanut, pas dans un pot. Parce qu'elle est allée à l'arraché de dépôt avant d'arriver. Ah, oh, wow. Tu comprends? Ben oui. Oui. C'est sa faute. Elle est dans un petit pot pas scellé, fait que ça sent l'arachide. Ah, elle est pas correcte. Mais c'est l'artiste qui va manger. Le beurre de peanut bio le matin en se levant. C'est vrai. Ouais. Que la fille devait l'amener, que les deux gars de survie, puis le gars d'expérimenté, vont essayer de te protéger pour, fait qu'ils vont les grimper dans les arbres. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va y enlever la peau à l'ours pour faire un petit tapis? Ça, c'est le patenteur, je pense. Clairement, c'est le patenteur. Ben oui. Le patenteur va faire le tapis. Wow. L'expérimenté va le faire cuire. Et oui, il va le faire cuire. Voyez-vous, ça finit jamais. Pour faire du camping, ça te prend cette gang-là. Ben oui. Qui cause. C'est comme une cause à effet. C'est comme un cercle vicieux du camping. Ben, je te dirais, c'est comme un éboulement. Oh Mathieu! T'es en feu! C'est le full circle. It's a circle of life. J'espère que vous avez apprécié ma petite liste non exhaustive de personnes que vous pouvez croiser en camping. Hey, puis la prochaine fois que vous irez en camping, vous vous demanderez si vous êtes plus expérimenté. Merci, Mathieu, si tu avais un jour un gars de survie dans ta gang d'amis. Non. J'aimerais ça connaître ta gang d'amis. Ouais, c'est ça. Si je deviens ce gars-là, ça va être les autres sont encore pires que moi. Fait que c'est... Ouais, c'est ça, c'est que l'artiste ne chante pas puis c'est encore des pires jeux de mots. Ah ouais. Mais, donc, c'est ma petite non-utile de personne en camping. Je sais pas pourquoi dire qu'on va faire, mais dans la même autre idée. Ben oui, c'est ça. C'est vrai. Exactement. C'est la même veine d'idée, voilà. On apprécie ta participation spéciale et on va te retrouver aussitôt que t'en as envie. Tu m'écris, tu t'écris à l'émission, on va te faire de la place n'importe quand. C'est pas obligé de te retrouver quand tu veux. Merci, Xavier Mécon. Faudrait que tu fasses participer tes amis de camp, là, à un moment donné. Ils sont pas là, c'est ben, on pourrait. On aurait peut-être la chance un jour. Là, ils sont pas là pour le moment. Mais peut-être de faire une chanson, là. Ah, ça serait merveilleux. Une intro avec, de chronique. Avec toutes les voix qui faussent en arrière des moniteurs qui ont beaucoup d'expérience en camp mais peu d'expérience en chanson. Mmh. C'est ça. C'est pas les artistes. Moi, la seule affaire qu'on a pas ou quand je travaille, c'est l'artiste là, qui t'amène tout le monde. Là. Mmh. on l'a moins. Ah ben, ouais? Tu sais, c'est non. Comme dans un sac d'amis quand tu te demandes qui est un petit peu le loser de la gang, si tu te le demandes, c'est que c'est toi, ça. C'est vrai. Fait que peut-être que c'est toi l'artiste. Ben, clairement, je joue pas de guitare, puis je... Tu sais, à m'entendre chanter, c'est sûr que les ours s'en vont, là. C'est pas le genre de gars qui amène les oiseaux le matin, là. Non. Allô? Non. Je suis capable de vous faire une imitation d'R2D2 pour finir là-dessus. Ah, ben oui, vas-y. On t'écoute. Vous êtes prêts? Oui. Hey, c'était bien ça! Et voilà! C'est un vrai oiseau qui est passé dans le coin, c'est pas toi qui fait ça! Oui, c'est ça, c'est l'oiseau sur le bord d'enfant qui est arrivé! Caroline! Hein? C'était merveilleux! C'est la seule chose que je suis capable de faire, mais je vous dirai pas avec quoi je l'ai fait. Fait que tu vois, il dit qu'il est pas artiste, mais il est vraiment artiste! Ouais, c'est ça! Imitateur d'oiseaux et de RDD2. Ouais, voilà. Il se sous-estime. Merci, Xavier. Avec plaisir, bonne semaine. Bonne semaine. Xavier McLeish en direct d'un camp de vacances en quelque part et nous voilà de retour en studio. Et non plus dans une canne de thon. Ah, on aime ça passer du temps là-dedans, mais je me sens un petit peu claustrophobe dans la canne de thon. On dirait que je me tanne quand je suis là-dedans. T'sais, on dirait que tout ce qui se passe dans mon cerveau amplifie. C'est ça. Je sais pas si, mettons, je raccroche puis je fais ça comme ça. Est-ce que... Non, tu vois, il faut absolument qu'il soit en onde, le oui, téléphone, pour ça. Que ça le fasse. Attends, je refais ça, non? Ah, ça a raccroché. Ça l'a raccroché, c'est ouais. Ça? La technique ici est difficile. Ah. C'est un peu ça? Non, ça fait tout le temps raccrocher. Je voulais juste nous remettre dans la canne de thon temporairement. Mais on peut être dans la canne de thon pendant que ça raccroche, mais t'entends le bip. C'est ça, c'est un peu plat. Bref, on va le retrouver éventuellement à Assemblage Requis. Pour l'instant, nous, on va être dû pour une petite pause musicale. On s'en va entendre. J'essaie de trouver une pièce. J'aurais essayé de le faire pendant la chanson, mais j'ai pas pensé de le faire. Une petite pièce qui aurait rapport avec la température de bois ou quelque chose comme ça. Là. Quelque chose qui aurait un petit sens avec le camping. Hein? Ben, on a Coconut Motel. Tiens, vu que tu l'as dit, on va jouer Coconut Motel. Pourquoi pas Françoise à Assemblage Requis. Puis on se retrouve après pour plus d'émissions. Oh oui! Coconut Motel. Françoise. On prend une pause, une vraie cette fois-ci, et après ça, ça va être la chronique. Qu'est-ce qu'on fait tantôt? On est rendu à quelle heure? Là? C'est ta chronique à toi qui s'en vient. Ben oui, c'est ma chronique à moi. Tania, Tania, de quoi on parle tantôt? On parle de rhume. Non, bon. De rhume ou d'allergie? Ou les deux. Ou les deux. Assemblage Requis, restez là. Assemblage Requis pour toi, aujourd'hui. Vous êtes assez fou pour l'écouter. Pour l'écouter. 89.1. Assemblage anti-potra aujourd'hui. Bonjour à Assemblage Requis pour la semaine du 29 mai 2017 avec Tania Bonin. Et Mathieu Blanc. Ah oui, avec cette merveilleuse chanson thème interprétée par Relard Frac, composée par Vanessa Parietter. Donc, dans cette partie d'émission, ça va être le fun. On va pas mal varier les sujets. On va avoir notre grosse pointe d'adresse en fin d'émission. On va avoir peut-être notre chronique maison qui va s'insérer entre les deux. Mais là, pour l'instant, c'est le moment de parler avec Tania dans Tania is gonna entertain ya. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école c'est Tania. And she's gonna do Tania. Aujourd'hui, apparemment que le mucus se fait encore aller dans ton nez, dans ta cavité nasale. Je sais pas si c'est le mucus qui se fait aller ou si c'est juste le blocage sinusal, mais je vais essayer quand même. Mais si c'est bloqué, c'est du mucus quand même, non? Ouais, ok, on peut dire ça comme ça. Ouais, ok, pas fou, Mathieu, pas fou. En fait, je pense que tout simplement, le décongestionnant ne fonctionne plus à cette heure-ci. Mais bon, ça, c'est des choses qui arrivent. Tu sais qu'il y a des décongestionnants qui se vendent en pilule qui sont juste des décongestionnants, même pas d'autres symptômes, juste pour le décongestionnement. Oui, ben en fait, j'ai un sploosh juste pour le décongestionnement. Un sploosh? Oui. C'est un terme technique. C'est ça, c'est une petite chose que tu te rentres dans le nez, là, puis là, tu fais pfff. Ouais, c'est un spray. C'est ça, un spray. Exactement. C'est merveilleux. Ça, j'ai aussi un spray. Ça décongestionne, là. Ouais, c'est le fun, là. De même. Mm. Directement sur le moment. C'est merveilleux. Faites pour ça, un spray, ça va directement là où ça fait mal. C'est ça. Mais aujourd'hui, je me suis dit, je vais parler avec vous un petit peu justement de ce fameux, de ces fameuses allergies, mais aussi peut-être à savoir comment différencier des allergies à ce temps-ci de l'année avec un rhume. Mm-hmm. Parce que je vais vous avouer que je ne suis pas la seule dans cet état-là présentement. On est quand même plusieurs, surtout dans la ville de Trois-Rivières. Là, ouais. Je pense qu'on est la ville du pollen présentement. Vraiment. À se poser quelques questions, à savoir si c'est vraiment un rhume ou si ça ne serait pas des allergies. Mm. En premier lieu, à ce temps-ci de l'année, il faut savoir que des allergies, on va appeler ça comment? On va appeler ça un rhume des foins. Pourquoi? Okay. Parce que les symptômes sont sensiblement les mêmes. Donc, qu'est-ce que c'est un rhume des foins pour ceux qui ne savent peut-être pas? En fait, on peut appeler ça aussi la rhinite saisonnière. Mm-hmm. Donc, on appelle ça pas mal plus souvent le rhume des foins, là, mais si jamais vous allez voir votre pharmacien, par exemple, bien, ça se peut qu'il ait un titre autre pour vous à vous donner. As-tu un splouch? Tu vas lui demander ça. As-tu un splouch, exactement? Puis lui, il va vous répondre, mais vous avez probablement une rhinite saisonnière. C'est sûrement un truc, veux-tu un splouch? Pour être sûr que vous compreniez bien dans le vocabulaire, ouais. Vous pouvez tout simplement dire « Est-ce que j'ai un rhume des foins, monsieur? » Donc, ça évolue bien évidemment chaque année, sensiblement à la même période, attention, pendant quelques semaines. Mm. Donc, ça se peut que vous soyez justement dans le moment où vous dites « Ça tombe pas mal dans le même temps où on est en train d'enlever un manteau, on est en train d'en mettre un. » Changement de température. C'est ça. Les changements de température, on sait pas trop à ce moment-là si c'est vraiment un rhume ou si c'est des allergies, mais le plus souvent, c'est provoqué par le pollen. Parce que dans 80% des cas, c'est le pollen et seulement 20%, bien, ça va être autre chose. Donc, à ce temps-ci de l'année, là, regardez à l'extérieur, vous allez le voir. C'est pas... la réponse est écrite dans le ciel. C'est ça. C'est pas trompeur. Regardez les petites choses blanches qui volent, c'est du pollen. C'est pas des insectes. Hein, non, c'est ça. C'est vraiment du pollen. Donc, on parle d'une rhinite qui est allergique. En fait, c'est une affection qui se catégorise par une hypersensibilité à un allergène. Donc, il y en a que ça va être la poussière à d'autres temps de l'année. Si, par exemple, ça fait des mois et des mois, vous n'avez pas fait le ménage de votre chambre, puis il y a beaucoup de poussière. Vous acariens. Ben, des fois, ça peut être ça. Tu sais, ça va être une rhinite allergène aussi. Mais à ce temps-ci de l'année, bien souvent, ça va être causé par le pollen. Comme on dit, donc, le slogan, là où il y a des allergènes, il n'y a pas de plaisir. C'est ça. Oui, tout à fait. Donc, ça se manifeste aussi par les symptômes qui sont les suivants. Donc, vous allez avoir des éternuements, mm-hmm. Vous allez avoir bien évidemment des démangeaisons ou des écoulements nasaux. Et là, à ce moment-là, ils vont être clairs. OK? Ouais. Si c'est des allergies, ça va être clair. Je comprends ça. Le petit mucus qui va sortir de vos narines. Clair, okay? Transparent. C'est ça. Vous allez avoir aussi une sensation de nez bouché, un petit peu comme vous m'entendez présentement. Et la rhinite peut être persistante ou encore interminante. Ça veut dire que vous pouvez l'avoir pendant quelques jours. Elle va disparaître, puis elle va réapparaître. Vous voulez savoir pourquoi? C'est pas trop compliqué. Regardez par la fenêtre. Ça va? Ça va avec comment est-ce que le pollen se comporte. Tu sais, à la place de sortir votre application Indice pollen de Météo-Média, là. C'est ça. Faites juste regarder dehors. Ouais. Regardez dehors, comme dans le bon vieux temps. Comme pour la météo. C'est une main qui s'alignait dans le test. Ça fonctionne Lèche encore. Lèche ton doigt. C'est ça. Si ça pointe du pollen, c'est qu'il y a du pollen. Exactement. Mais il faut savoir qu'une rhinite allergique, ça peut avoir un impact sur les poumons. Parce qu'à un certain moment, si vous avez les sinus bloqués, ça peut amener certaines complications à la respiration que vous allez avoir. Donc, ça peut affecter les gens qui ont de l'asthme, par exemple, ou ça peut créer un certain problème d'asthme chez les gens qui n'en ont pas en temps normal, mais à ce temps-ci de l'année, vous avez pas mal plus de difficultés à respirer. Puis lorsque vous allez respirer un peu comme les gens qui font ça, là. Ouais. Tu sais, ça va être cru que vous allez avoir l'impression. T'entends un petit ruissellement de... Exactement. Ouais. C'est parce qu'il y a du pollen dans vous. Ça pousse ses parois. Tu sais, vous comprenez? C'est quasiment ça. C'est tout simplement parce que de la façon allergique, l'impact que ça va avoir sur votre corps, bien, ça peut se rendre jusqu'au poumon. Donc, ça peut amener chez vous une certaine sensibilité à pouvoir respirer à certains moments. Donc, on parle d'une rhinite ou d'un rhume des foins qui peut être persistant. Ça intervient souvent 4 jours pendant une semaine et souvent, ça va intervenir aussi 4 semaines dans l'année. Donc, vous allez probablement en avoir pour un mois à la sortie là, des pollens, à ce moment-là. Là, tu sais, vraiment là. À la fin du mois de mai, début juin. C'est ça. C'est maintenant. Souvent, vous allez en avoir pour un mois d'adaptation parce que votre corps est habitué à la température du Québec à l'hiver. Puis là, tout d'un coup, vous leur amenez des trucs là, qui volent comme ça dans les airs à tout bout de champ. Du jour au lendemain, quasiment. Ça n'a pas été long, la transition. C'est ça. Là. Quasiment. Donc, du jour au lendemain, et votre corps fait comme, oui, oh, ouais, attends une minute, là. Moi, je suis habituée au froid. Là, tu m'amènes du sec. Tu m'amènes aussi des températures qui vont être pas mal plus changeantes qu'en hiver. Ouais. Puis, tu m'amènes des trucs qui volent puis qui rentrent dans le nez. T'ambitionnes. C'est ça. J'ai un petit peu plus de difficulté à gérer la situation. Donc, je vais me prendre 4 semaines d'adaptation. Tu respires. Quasiment plus, puis après ça, on s'en repart. Il est en burn-out, ton corps. C'est ça. Donc, le diagnostic puis le traitement, en fait, ça reste indispensable pour améliorer le quotidien des gens qui ont eu un rhume des foins à ce temps-ci, parce que sinon, vous allez voir que c'est pas mal invivable. C'est un petit peu comme avoir un rhume, en fait. Mais en permanence pendant un mois. En permanence, constamment. Puis, vous vous sentez pas enrhumé, c'est juste que... Vous avez tous les mêmes symptômes. T'auras pas la fièvre, t'auras pas les tremblements, etc., mais t'as à peu près tout le reste des symptômes. Là. Exactement. Mal de tête, j'imagine, peut venir là-dedans aussi à cause de la congestion. Surtout à cause de la congestion. Bien souvent, on va prendre des médicaments qui vont aider à la décongestionnement des sinus. Tu l'as dit, le spray est la meilleure façon. C'est vraiment la meilleure façon. Prends quelle, toi? Moi, j'ai Avamis. Mon Dieu, je me souviens plus. C'est précis. Faudrait que je vérifie. Ouais. Mais du moment que vous allez prendre ça, vous allez voir aussi, vous allez avoir une moins grosse pression sur tête. C'est clairement à cause de ça. Donc, les symptômes en temps normal, comme je vous disais tout à l'heure, vous allez avoir le nez qui va vous démanger. T'sais, vous allez avoir l'impression que vous voulez vous gratter le nez à tout bout de champ. Vous allez avoir des éternuements, bien évidemment. Vous allez avoir aussi des écoulements nasales qui vont être sensiblement tout le temps. Mm-hmm. C'est pas interminable. Non, c'est tout le temps. Vous allez aussi avoir une sensation de nez bouché vous allez, comme je le disais tout à l'heure, avoir des démangeaisons aussi du palais. Ouais, ben oui. Ça pour plusieurs les personnes. Les oreilles des fois aussi. Oui, les oreilles qui bouchent. Démangeaisons du palais, c'est vraiment très inconfortable. Mm-hmm. Si vous êtes dans ceux là, qui s'y connaissaient depuis des années, allez-y avec le bas de votre langue. Grattez-vous le palais. C'est merveilleux. Ben, c'est mais ça fait en sorte un petit peu que votre gorge va enfler à un certain point. Okay. Faites attention. Pas sûr. Mais, pas un conseil médical. Non, ici, c'est ça. Hein? Mais ça fait vraiment du bien. Ouais. Puis vous allez vous pouvez aussi mettre une brosse dans la bouche puis gratter, c'est ça. T'sais. Vous pouvez avoir, bien évidemment, des problèmes avec vos yeux. Donc, vos yeux peuvent couler, vos yeux peuvent grossir aussi un petit peu. Rougir. Et à ce moment-là, eh bien, il y a la fatigue qui peut rentrer en ligne de compte, comme le rhume. Ben oui. Vous avez aussi les maux de tête, les écoulements dans l'arrière-gorge. Ouais. Là, tu sais, là, après vous avoir pris votre petit déjeuner. Tout en train d'avaler, puis ça veut pas descendre. Là, c'est la goutte poste quelque chose. Je me rappelle pas du nom, en tout cas. Ouais. Exactement. Ouais. Donc, vous allez avoir aussi pas mal plus de difficultés à vous concentrer à ce moment-là. Excuse-moi. C'est vrai. vous allez avoir de la difficulté aussi à vous endormir. Et à certains moments, bien évidemment, vous allez avoir une perte d'odorat. Parce que votre nez est bouché. Et donc, de goût aussi, tu vas avoir de la misère à goûter tes bons repas de la chasse-galerie. Tout à fait. Donc, ce sont des signes qui sont quand même caractéristiques du rhume des foins. Mais là, quand on arrive à juger ça avec le temps de l'année où t'es pas sûr si c'est un rhume ou si c'est un rhume des foins, ouais. Tu sais, on fait quoi si c'est vraiment un rhume? Comment est-ce qu'on peut arriver à se dire « Attends, là, j'ai-tu un rhume ou j'ai des allergies qui ressemblent à un rhume? Qu'est-ce que je dois prendre? » Est-ce que je peux prendre une théorie de ça? Est-ce que je dois prendre des casse-grippe, ouais. Des casse-rhumes? Ou est-ce que je prends des pilules d'allergie? Parce qu'à ce temps-ci de l'année, on s'entend que tu peux quasiment prendre les deux puis ça va faire effet, c'est mais ça. À différentes places. Parce que moi, je pense que si tu prends des pilules d'allergie et que ça fait rien, c'est que c'est un rhume, non? Mais en fait, le plus gros qui peut vous différencier à ce temps-ci de l'année, à savoir qu'est-ce que vous allez prendre, c'est la fièvre. OK. Si vous avez de la fièvre à ce temps-ci de l'année, si vous avez froid... Chaud-froid. Si vous avez des frissons, si vous faites de la fièvre, eh bien, c'est possiblement un rhume. Ouais. Vous n'allez pas avoir de fièvre si vous faites des allergies ou si vous avez un rhume des foins. Et les sécrétions aussi que vous allez avoir nasales, c'est dégueulasse. Décris-nous ça. Mais vous devez bien évidemment regarder ce qu'il y a dans votre mouchoir. Si c'est jaune, ça, c'est un rhume. Ben, si c'est beaucoup plus jaune et beaucoup plus vert, en fait, ça va être sensiblement pas mal plus un rhume que si c'est pas mal plus clair. On s'entend que si c'est entre clair et jaune, il y a de fortes possibilités que ce soit des allergies. Ouais. Sauf que si on parle vraiment là, comme un rhume au bon temps de janvier, là, bon, ben, c'est pas mal plus un rhume à ce temps-ci de l'année que vous avez. Vous avez probablement dévêti en avril et c'est comme ça que vous avez attrapé le rhume. Ah, tu t'es découvert d'un fil. C'est exactement. Don't do the crime if you can do the time. C'est ça. Si vous pouvez aussi, à un certain moment, avec le rhume des foins, avoir des problèmes de digestion, sachez-le. Parce que, en fait, c'est comme je le disais tout à l'heure, ça peut vous affecter vos poumons et tout ça. Ça va faire en sorte que votre estomac va peut-être réagir différemment à tout ce que vous lui donnez. Donc, ça peut causer certains problèmes de digestion, mais c'est très, très rare. C'est sûr que si c'est aigu, là, comme à ce temps-ci de l'année, là, où qu'il y a vraiment, mais vraiment beaucoup de pollen. Ça peut arriver à plusieurs personnes que la digestion soit un petit peu plus difficile parce que la plupart du temps, les médicaments qu'on va prendre contre les allergies, bien, elles sont difficiles pour l'estomac. Donc, c'est à ce moment-là que vous allez voir qu'est-ce qui va être sensiblement plus un rhume ou plus des allergies. Et bien évidemment, bien, si c'est un rhume, c'est la durée du temps aussi qui va pouvoir vous aider. Les allergies, ça va être très, très long. On l'a dit tout à l'heure, ça va durer environ 4 semaines. Tandis qu'un rhume, bien, ça dure en temps normal 3 à 14 jours. Donc, si vous êtes rendu à 2 semaines à ce temps-ci de l'année, puis vous avez déjà plus rien, bien, c'était probablement un rhume que vous aviez. Faut pas oublier que c'est possible d'avoir les deux. Donc, si aussi, tu peux avoir des allergies tout le long, comme moi, et après ça, avoir 2 semaines de rhume dans le milieu, comme moi, tout à fait. Et revenir aux allergies, c'est pas mieux, bien, c'est mieux. Mais c'est pas parfait. Non, mais c'est ça. Mieux. Puis, il y a aussi de fortes chances que si vous aviez un rhume, vous ayez des douleurs musculaires. Ben oui. Parce que ça vient souvent avec. Tandis qu'un rhume des foins, c'est vraiment juste les sinus, la tête. Vous allez avoir un petit peu plus de complications à respirer à certains moments. Mais vous n'aurez pas nécessairement mal ailleurs. Vous allez pouvoir, par exemple, continuer votre entraînement. Vous allez pouvoir continuer à travailler. Vous n'allez pas avoir le symptôme de quelqu'un qui a le rhume. Tandis que si vous avez le rhume, là, les douleurs musculaires, la fièvre et bien évidemment la durée ainsi que les mucus, ça va vous donner sensiblement une bonne idée que là, ça serait peut-être des casse-grippe que vous devriez prendre au lieu de prendre justement des pilules d'allergie depuis 3-4 jours. Mais je me suis aussi posé la question, parce que moi-même, je me suis posé la question, là, attends, là, j'ai-tu un rhume ou j'ai des allergies? Parce que dans ma maison, présentement, il y a une personne qui a le rhume, mais elle a peut-être pas des allergies. C'est ça. Est-ce que moi, j'ai attrapé son rhume ou ce sont mes allergies qui sont extrêmement fortes à ce temps-ci c'est de l'année? Ça. C'est les grosses questions. Et je me suis posé la question, tu sais, quand on a le rhume, parfois, il y a des recettes de grand-mère qu'on peut avoir pour se libérer de ce fameux rhume-là. Est-ce qu'on a la même chose du côté des allergies? Est-ce que, à la place de devoir prendre les médicaments qui sont automatiquement donnés par un pharmacien, on pourrait pas avoir, par exemple, des petits conseils de grand-mère qui peuvent nous aider et qui sont peut-être un petit peu plus naturels à certains moments? Ouais. Eh bien, sachez que oui! Ah ben! Surtout pour le rhume des foins, en fait, parce que ce sont des remèdes qui vont être naturels. Donc, pour ceux que ça intéresse, eh bien, l'estragon peut être quelque chose que vous allez utiliser si jamais vous avez le rhume des foins. En fait, ça va agir comme un anti-allergène et ça va prévenir le rhume des foins à cause des composants naturels que vous avez dans l'estragon. Donc, vous allez... c'est à Radio-Canada, hein, je pense, dans l'œil de l'estragon, c'est ça? Ah, j'ai trouvé drôle! Donc, vous allez retrouver, en fait, du coumarin puis des flavones. Donc, pour connaître les vertus, vous allez déposer 3 gouttes d'huile essentielle d'estragon sur un mouchoir, puis vous allez respirer le mouchoir 3 fois par jour. Vous pouvez changer de mouchoir, là, on s'entend. Vous n'êtes pas obligé de garder le même mouchoir toute la journée. Mais ça va être des remèdes de grand-mère, mais faites pas comme les grands-pères avec leur mouchoir dans la poche. Ouais, c'est ça, gardez pas le même mouchoir dans votre manche, là. Non. Donc, ça, on parle d'huile essentielle à ce moment-là, mais sachez que c'est quand même déconseillé pour les femmes enceintes ou les enfants de moins de 8 ans. Donc, si vos enfants font des allergies, faites attention à ce que vous allez leur donner dans les médicaments, dans les remèdes naturels de grand-maman. Par la suite, il y a le thym aussi, parce que c'est un expectorant naturel. Expectorant. Expectorant, oui, ça merci. Ça fait que tu craches ton mucus. C'est parce que, ouais, c'est ça. Exactement. Donc, c'est efficace pour décongestionner les voies respiratoires. Et tout à l'heure, on parlait que le rhume des foins, bien, ça peut justement là, vous donner un petit peu plus de difficulté à respirer, que ce soit dans les bronches, que ce soit dans les poumons. Bien, le thym, là, ça va vous aider de ce côté-là. Donc, comment est-ce qu'on utilise le thym pour le rhume des foins? Bien, vous allez le faire infuser. Donc, vous allez prendre une tasse d'eau chaude et vous allez mettre 2 cuillères à café de thym qui va être séché, qui va quasiment être en poudre. Puis, vous allez le laisser infuser pendant 10 minutes. Par la suite, vous allez filtrer ça parce que vous voulez pas le manger. Là. C'est un peu dégueulasse. Puis, vous allez en boire 3 tasses par jour. C'est beaucoup. Hein? Ouais. 3 tasses par jour. Mais 3 fois par jour. Mm. On s'entend, 3 tasses par jour, vous en buvez une tasse. C'est sensiblement 3 fois par jour. Bon, on a compris. Par la suite, vous avez de l'huile essentielle de lavande, mais de la vraie lavande. Ouais, ouais. Allez pas chercher de la petite lavande qui a pas l'air vraie. La wheat lavande. C'est ça. Donc, en fait, la lavande, ça soulage les voies respiratoires et c'est très efficace en inhalation. Mm-hmm. Donc, c'est la recette que les grand-mères vont donner souvent. Parce que dans un bol d'eau chaude, vous allez mettre 4 gouttes d'huile essentielle de vraie lavande. Puis, vous allez couvrir, oh oui, comme dans les films, votre visage d'une serviette. Ah. Et vous allez respirer ça pendant 10 minutes. Moi, je déteste l'odeur de la lavande. Moi aussi, ouais. J'ai vraiment beaucoup de difficultés. Fait que je serais pas du genre à faire celui-là. Mais je serais du genre, par exemple, à aller chercher le vinaigre de cidre, qui lui aussi est un remède de grand-mère pour les allergies. C'est pas très bon ça non plus, je sais pas si... Mais c'est pas, ouais, au goût, c'est pas bon, mais je trouve que ça sent meilleur. Ouais. Donc, en prévention contre justement le rhume des foins, vous allez boire chaque jour un verre d'eau, attention, avec 1 cuillère à café de miel et 2 cuillères à café de vinaigre de cidre. Ah, c'est ça, le miel vient contrer le dégueulasse oui, du sûrement. Vinaigre de cidre. Donc, vous allez brasser tout ça et vous allez le boire. Donc, moi, je pense que je serais plus du genre à vouloir m'infliger cette douleur du vinaigre de cidre comparé à sniffer de la lavande pendant 10 minutes par jour. Ah, là. Ouais. Je serais pas capable. Puis aussi, il y a des conseils qui viennent des grands-mères lorsque c'est le temps du rhume des foins. Vous devez attendre la fin de la journée pour aérer votre maison. Okay. Parce que le pollen, c'est moins concentré en fin de journée. Donc, attendez vraiment là, pour la fin de la journée avant d'ouvrir vos fenêtres, d'ouvrir vos portes. Sinon, allez-y avec des fans dans la maison si jamais vous trouvez que vous respirez pas dans votre maison. Là. Mais attendez vraiment que le soleil soit quasiment couché pour pouvoir aérer avec les fenêtres ouvertes parce que c'est à ce moment-là que ça va être moins agressif en termes de pollen. Ta grand-mère a dit aussi, oublie pas de faire ton chapelet. Oui, c'est ça. Une petite prière. Prier pour arrêter d'avoir le nez bouché. Par la suite, vous pouvez laver beaucoup plus régulièrement vos cheveux parce que le pollen, ça se dépose dans les cheveux extrêmement facilement. Ouais. Puis on n'est pas nécessairement clairement conscient de ça parce que souvent le pollen, oui, là on le voit parce que c'est gros, mais il y a aussi des particules de pollen qui sont pas mal plus petites, qui restent dans vos cheveux. Vous allez vous coucher le soir, c'est encore dans vos cheveux et là vous avez de la difficulté à respirer. Donc lavez-vous les cheveux quand même plus régulièrement pendant ce mois-là. Et aussi, c'est préférable pendant la période des allergies d'étendre notre linge à l'intérieur. Okay, pour oui, ben oui. éviter justement que le pollen fasse comme dans les cheveux et que ça s'installe sur nos vêtements. Et puis aussi, ce que vous pouvez faire, c'est que quand vous allez sortir, eh bien, portez des lunettes de soleil. Okay. Ça va éviter pour vous d'avoir les yeux qui vont vous piquer. Ça va aussi éviter le pollen de rentrer dans vos yeux pas mal plus facilement. Donc, ayez cette idée-là de porter des lunettes de soleil pas mal plus rapidement après l'hiver, quand vient le temps justement des bourgeons puis du pollen de sortir comme ça, parce que c'est vraiment dans les premiers temps où que ça va vous attaquer les yeux pas mal plus souvent. Et sinon, faites de l'astigmatisme, des trucs. Oui. Ayez des lunettes comme moi. Oui, c'est ça, faites ça. Mais mettez-vous des... T'sais, parce que souvent, on n'y pense pas, puis du moment qu'on n'a pas de lunettes, on se frotte les yeux. Ben oui. Surtout les gens qui portent pas de lunettes à tous les jours. Mais du moment qu'on se met des lunettes de soleil dans le visage, ça nous empêche de faire ça un petit peu. Puis ça vient aussi aider le fait que nos yeux vont devenir rouges et nos yeux vont couler. C'est qu'on se les touche pas tout le temps non plus. Donc, ça peut très bien aider pour votre rhume des foins. Absolument. Voilà. Hey, merci. Hey, fait plaisir. Pollen Marois. Je m'en vais me mettre la tête là, n'importe où. Je m'en vais me laver à terre. C'est aussi, ça. Prenez une douche. Ça, c'est niaiseux, là, mais prenez une douche à température quand même assez chaude. Vous allez voir, ça va vous déboucher les narines. Absolument, c'est vrai. Ça. C'est merveilleux. C'est vrai. Merci, Tania. Fait plaisir. Tania Baudin et sa chronique Tania Esgalette. Tu Tania chaque semaine à Assemblage requis. Elle va se remettre un jour de ce qui l'afflige. Tout à fait. J'en ai encore pour 2 semaines, je pense. Bon, yeah. On s'en va entendre High Ticket Attractions parce qu'on attire le pollen. Avec New oui. Pornographers tout de suite à Assemblage requis. They knew the silence of falling. They had the calling. You know the song. This thing could go two ways. The New Pornographers et High Ticket Attractions à Assemblage Rocky. Au retour, il nous reste encore dans la troisième heure une grosse pointe d'adresse. Oui. Avec le produit que Tania a choisi. Tout à fait. Et après la pause, c'est après le crime. Oh my God. Restez là. Assemblage Rocky pour toi, aujourd'hui. C'est fou! Assemblage Rocky pour toi aujourd'hui. Assemblage Rocky pour la semaine du 29 mai 2017. Il est toujours Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Absolument. Depuis quelques semaines, je varie pas beaucoup dans mes choix de chroniques maison. Peut-être que la semaine prochaine, je vais varier un petit peu, mais pour l'instant, j'ai encore envie de faire un petit peu un bloc sur la criminalité. On aime ça, c'est correct. Oui, voici après le crime. Tous les chemins mènent à la bombe, puis l'abîme après le crime m'attend dans ma sentence. Après le crime, la chronique des gens qui font les choses pas correctes du tout. Comme je connais moins un petit peu, je me renseigne moins dans le domaine québécois. J'y vais surtout du côté américain. Et tu me dis si jamais t'as entendu une nouvelle puis que c'est vraiment trop connu. Okay? Oui, oui. Est-ce que t'as entendu parler de l'homme qui a essayé de se suicider mais qui a finalement tué sa copine? Ah non. Non, c'est ça. Un homme qui a essayé de se suicider, oui, à Anchorage en Alaska, a laissé sa copine morte. La police croit que Victor Sibson, j'ai bien dit Sibson, c'est pas parce que j'ai un rhume, S-I-B-S-O-N. s'est tiré lui-même le mois dernier et sa copine Brittany May Hagg a essayé de le sauver. La balle a voyagé à travers le crâne de Sibson et il est entré dans la poitrine de Hagg, ce qui l'a tué. Ben, voyons donc. Selon KTVA, Sibson qui a 21 ans et Hagg qui a 22 ans sortaient ensemble depuis 6 ans quand même. La famille de Hagg pensait que Sibson avait tué leur fille, mais les enquêteurs croient maintenant que c'était vraiment un suicide qui a mal tourné. OK. La famille croit que la fille a essayé de sauver son copain. Évidemment, cette portion-là n'est pas prouvable, mais le reste est quand même ce que les enquêteurs ont trouvé. Wow. C'est quelque chose. Ensuite, un ancien vice-président de Bank of America qui est accusé d'avoir fait 2,7 millions de dollars en faux dons. Des faux dons. Après les fake news, ici des fake donations. Donc, un ancien exécutif chez Bank of America ainsi que son mari, donc c'est une ancienne vice-présidente, et son mari ainsi qu'une autre personne ont été accusés d'avoir fait une fraude en participant à ce qu'on appelle de l'embezzlement avec des millions de dollars de faux dons au nom de la banque. Donc, le U.S. Attorney's Office de Massachusetts, du Massachusetts a annoncé que les trois personnes ont été accusées de fraude électronique et de complot pour commettre une fraude bancaire. Plus de 2,7 millions de dollars qui auraient été donnés par Bank of America entre octobre 2010 et avril 2015. Donc, entre 2010 et 2015, Palestine Pam Ace, son nom, la fille s'appelle Palestine. Hein? Ben ouais. Ancienne vice-présidente senior du Global Wealth and Investment Management Division chez Bank of America, a utilisé sa position pour prendre des fonds du département du budget du marketing et transférer cet argent-là à des organisations organisation OSBL, la femme aurait autorisé 75 transactions, chacune de moins de 50 000 $ pour avoir l'air de faire des dons à des OSBL de Atlanta à Boston. Après que le transfert a été complété, Ace ainsi que son mari Jonathan Ace et Brianna Ford soient directement ou indirectement informaient l'OSBL qu'une partie des fonds devait être remise pour s'assurer que Bank of America puisse continuer de leur envoyer de l'argent. Donc, dans le fond, ils faisaient un don de moins de 50 $ en leur demandant « Il faut que vous nous renvoyez genre 10 000 $ pour qu'on puisse s'assurer de pouvoir continuer de faire des dons. » Quelque chose de louche comme ça. Donc, les organisations OSBL écrivaient un chèque à une de ces personnes-là qui ramenait ça dans le compte de Bank of America auquel les accusés avaient accès. Compliqué quand même. Quand même. Donc, il faisait de la pression sur les OSBL pour avoir un plus grand pourcentage du don qui leur était tout le temps renvoyé en utilisant des techniques d'intimidation ou de menaces d'humiliation publique, selon le bureau de l'attorney américain. Voilà. Ensuite, c'était pour financer leur style de vie. Ben oui. Évidemment. Hein? Ensuite, quelqu'un qui a fait semblant d'avoir un cancer pour ramasser 130 000 $ en dons, cette personne-là a reçu une sentence de seulement 6 mois en prison. Juste ça? Oui, après avoir menti d'avoir eu un cancer en phase terminale, un cancer du sein, et avoir ramassé plus de 130 000 $ en dons pour son traitement, une femme a plaidé je me rappelle pas en français ce que c'est, no contest, je l'oublie à chaque fois, je m'excuse, mais il me semble que c'est comme quelque chose comme non coupable, à un grand vol d'autant d'argent, a reçu une sentence de 6 mois en prison. 30 jours de service communautaire et 5 ans de probation. Elle a aussi repayé, évidemment, les dons qu'elle a obtenus de façon frauduleuse. J'espère bien. Hein? Mm-hmm. Donc, quand ça a commencé, la femme avait environ 30 ans. Elle disait avoir un cancer du sein niveau 4. Et ensuite, évidemment, on a appris qu'il n'y avait pas de cancer, selon ce qui a été dit dans les médias. Certaines victimes disaient qu'elle avait le cancer, voilà, et qu'elle avait besoin d'argent pour payer ses traitements médicaux, ainsi que des traitements médicaux pour son père, qui avait un cancer du côlon. D'autres fois, elle disait que son père était mort du cancer du côlon en 2012. Bref, on a appris plus tard que son père était en fait décédé d'une attaque cardiaque en 2016. Donc, méchante histoire, wow. quand tu commences à te croire toi-même. Ben, c'est ça, hein. Parmi ses victimes, il y avait ses amis, des anciens copains, des gens de sa communauté religieuse. Et ça a duré de 2010 à 2013. Elle a promis de repayer certaines de ses victimes. Et elle a sollicité des dons de la part de d'autres personnes. Vraiment, cette histoire-là est sans fin. Et on dit qu'elle n'aurait pas de remords du tout, selon son ex-copain qui lui a donné 1200 $ pour le traitement du cancer du côlon de son père, selon le Los Angeles Times. Ensuite, une chaîne d'hôpitaux psychiatriques qui serait sous enquête pour avoir gardé les patients plus longtemps qu'ils devaient le faire. Les enquêteurs du FBI et du département de la défense américain sont en train de vérifier les allégations en fait du Universal Health Services, ce qui est donc le plus grand fournisseur de soins psychiatriques au pays, avec 200 bâtisses, 38 États, ainsi qu'au Puerto Rico. Bref, apparemment qui ferait plus d'argent, ou en tout cas qui garderait de l'argent pour eux, en gardant des patients plus longtemps que médicalement nécessaire, selon BuzzFeed News, qui cite des sources qui connaissent donc l'enquête. On dit qu'ils surfacturent les plans du gouvernement comme Medicare, Medicaid, TRICARE et d'autres plans qui sont administrés par la Defense Health Agency. Plus d'une douzaine d'endroits, de bâtiments, de succursales, si on veut, sont sous enquête en ce moment pour avoir apparemment enfreint le False Claims Act, qui empêche des personnes ou des compagnies de soumettre des demandes de paiement, dans le fond, qui sont erronées ou qui sont volontairement falsifiées ou ambitionnées, quelque chose comme ça. Donc, on va évidemment suivre leur sentence si ça arrive un jour. Ensuite, deux blagueurs qui voulaient passer deux jours dans un Walmart se sont tannés après 35 minutes. Si l'idée de passer 48 heures dans un Walmart ressemble un petit peu à quelque chose de trop long pour vous, en tout cas, moi, je pense pas que ce serait mon cas. Je pense que 48 heures, c'est parfait pour faire le tour. Ben c'est tellement ouais, grand, ouais. Walmart. C'est ça. Bref, les deux gars voulaient faire ça récemment, mais ils se sont tannés de la place très peu de temps après être entrés. Ces deux étudiants de l'Université de l'Indiana qui voulaient donc faire plus que les anciens joueurs de tour dans le temps qui avaient passé 24 heures dans un magasin Walmart, en tout cas qui disaient avoir fait ça. Mais ils ont rapidement découvert que 48 heures, c'est vraiment beaucoup de temps à passer sous les lumières très très brillantes, très flash du néon dans un Walmart. Environ après 35 minutes, ils étaient déjà tannés. Bon. À dire des gars au Indianapolis Star. Il a commencé à écouter de la musique et il a réalisé que c'était juste sans arrêt, avec les lumières vraiment fortes, avec plein de bruit, plein de gens. Il commençait à perdre la tête. Moi, je pense que ce gars-là ambitionne vraiment beaucoup. 35 ouais, minutes, c'est, là, c'est le temps que tu passes normalement chez Walmart quand tu as quelque chose à faire comme commission. Bref, ils étaient frustrés par d'autres personnes qui ont aussi essayé de faire le même défi. Donc, ils ont décidé d'aller encore plus loin en montrant que le 48 heures allait être leur but. Et puis ils ont réalisé qu'ils allaient devoir... Attends, ils disent que oui, pour pouvoir rester aussi longtemps que ça, les gars ont réalisé qu'ils devaient acheter quelque chose à chaque 3 heures environ, sinon ils se faisaient demander de quitter les lieux. J'imagine que, ben ouais. que tu faisais du flanage. C'est ça. Donc ils achetaient de la gomme, ils allaient chez Subway, ils se sont même fait couper les cheveux. Bref. Et ça a duré. Ça dit que lorsque c'était le moment de partir, quelqu'un qui travaillait chez Walmart leur a dit... un petit peu. Oui, mais c'est ça, ils ont réussi à le faire, là, 48 heures finalement. Ils leur ont serré la main, et tout. C'est ce que ça dit. Belle fin. 48 heures d'ennui intense, mais après 35 minutes, ils ont pu le faire. Donc c'est fait. Bravo. Ah. Et ben, est-ce que t'as entendu parler de cette histoire-là, de quelqu'un qui a été condamné pour un like sur Facebook en Suisse? Ah non. Est-ce que t'as entendu ça? Non. Donc un Suisse qui a été condamné pour diffamation pour avoir aimé des propos sur Facebook contre le président d'une association qui est donc une première dans le pays selon un jugement d'un tribunal d'arrondissement de Zurich. D'après le jugement transmis à l'agence France Presse, l'homme de 45 ans, dont le nom n'a pas été publié, a été condamné pour avoir liké des commentaires sur Facebook qualifiant sans preuve de raciste, fasciste et antisémite le président d'une association contre l'élevage et contre les élevages et abattoirs d'animaux. Qui s'appelle l'Association contre les usines d'animaux. Ça remonte à 2015. L'accusé avait alors participé sur le réseau social à une discussion entre défenseurs de la cause animale. Dans son jugement, la justice suisse affirme que l'homme, en cliquant sur le célèbre pouce levé, a propagé un jugement de valeur et des accusations qu'il n'a pas pu prouver. En conséquence, l'accusé a été condamné à une peine avec sursis de 4000 francs suisses, qui est environ 5500 $ canadiens. Il peut faire appel auprès du tribunal cantonal de Zurich, et cette condamnation est une première en Suisse, selon les médias locaux. On dit que M. Kessler a été condamné en 1998 par le tribunal cantonal de Zurich à une brève peine de prison ferme pour avoir comparé certaines pratiques juives à celles des nazis. Il avait dénoncé dans le bulletin de son association le rituel juif d'abattage des animaux et avait accusé les juifs de ne pas être meilleurs que leurs anciens bourreaux nazis. L'homme condamné n'a toutefois pas réussi à prouver le racisme et l'antisémitisme ou le fascisme actuel du défenseur des animaux, estime le tribunal d'arrondissement de Zurich dans son jugement. Monsieur Kessler a porté plainte contre plusieurs des personnes ayant tenu des propos accusateurs à son encontre sur le forum de discussion de Facebook en 2015. Selon l'avocat de l'un d'entre eux, Amir Abdelaziz, certaines personnes ont été condamnées pour leurs propos. L'homme qui a été condamné est le premier à être sanctionné pour avoir liké quelque chose écrit par d'autres mondes. Wow! Et Colin, ça c'est quelque chose d'assez fort, là. On reste sur Facebook qui gagne en justice face aux parents d'une ado décédée. Est-ce que t'as entendu parler de ça? Ah! Non. La justice allemande a refusé de contraindre Facebook à donner aux parents d'une adolescente décédée l'accès au contenu publié par leur fille alors qu'ils voulaient éclaircir les circonstances de sa mort. La cour d'appel de Berlin a affirmé la décision rendue en première instance en 2015 contre laquelle le réseau social avait fait appel en invoquant le respect de la vie privée. Le couple demandait de récupérer les contenus postés par l'adolescente sur Facebook avant son décès, donc en 2012. Elle était âgée de 15 ans et avait été percuté par une rame de métro à Berlin. OK. En ayant accès à ses publications ou son historique de clavardage, ses parents espéraient comprendre les circonstances de sa mort, que ce soit accident ou suicide, en trouvant par exemple des écrits indiquant qu'elle a pu mettre fin à ses jours. Le couple invoque le fait que les contenus figurant sur le compte Facebook de leur fille sont identiques à des journaux intimes ou des lettres qui peuvent revenir aux proches après un décès. On s'entend qu'après un décès, ça se peut que tu trouves un journal intime. Uh-huh. C'est un peu la même chose en 2017. Lors du procès, en première instance, ils avaient obtenu gain de cause face aux géants américains. Le tribunal de Berlin estimant que le contrat passé entre l'internaute et Facebook entrait dans le champ de la succession, y compris les contenus numériques publiés sur le compte. De surcroît, la défunte étant mineure, ses parents avaient le droit de savoir quand et avec qui elle communiquait sur Facebook, selon la juridiction. Facebook, qui avait fait appel à la décision, estime au contraire que l'accès aux données de l'adolescente pouvait violer, en fait, les contenus privés d'autres utilisateurs qui communiquaient avec elle. Tu comprends que si on dévoile quelque chose par rapport à elle, c'est Facebook, ça va dévoiler les choses de d'autres gens, ouais, c'est ça. Qui viendraient à en atteinte à leur vie privée. Dans une autre affaire, au début du mois de mars, Facebook avait été assigné en justice par un réfugié syrien qui lui demandait de censurer les multiples détournements de son selfie avec la chancelière Angela Merkel, l'impliquant à tort dans des attentats ou des faits divers. Le tribunal de Würzburg avait toutefois débouté le demandeur d'asile, considérant que Facebook était un hébergeur et non un média et qu'il ne pouvait pas être contraint à filtrer chaque contenu insultant ou diffamatoire. C'est bien évident. Ensuite, on parle d'une jeune fille de 2 ans qui est morte après que le copain de sa mère ait utilisé des mouvements de lutte sur l'enfant. Okay. C'est une jeune fille du Missouri qui est morte après que le copain de sa mère l'ait blessée en faisant des wrestling moves. Donc, la prendre dans les airs et la frapper par terre, après, comme à la lutte. C'est ce que les autorités ont dit. Richard Gamache Jr., 24 ans de House Springs, a été accusé d'abus ou de négligence d'un enfant, ce qui a résulté en la mort. Sa copine, Cheyenne Cook, qui a 19 ans, est accusée, elle, d'avoir mis en danger le bien-être de son enfant. Le shérif de Jefferson County, David Marshak, a dit au détective qu'il avait trouvé des données numériques échangées entre Gamache et Cook qui documentaient l'abus de cet enfant-là, entre autres des communications qui avaient un lien avec le fait de cacher ces conversations-là, tu comprends? Donc, on a trouvé des preuves qui cachaient les preuves, on se comprend. L'enfant, donc, était torturé, nous dit un communiqué de presse du shérif. Les détectives ont déterminé qu'un des moves que Gamache utilisait était de prendre la fille dans les airs par la taille, la lever au-dessus de ses épaules et ensuite la jeter par terre. OK. Donc, évidemment, ça a été découvert après que la fille a eu une comment on appelle ça? Seizure, une crise, si on veut. Quelque chose comme ça. Le 16 mai dernier, l'enfant a été seulement identifié par ses initiales AC. Elle a été amenée à l'hôpital et elle est morte 3 jours plus tard. Gamache, à l'origine, a été accusé d'abus de négligence d'un enfant. L'accusation a été augmentée ensuite lorsque la fille a été finalement déclarée morte. Gamache est en... a payé 500 000 $ de caution, voilà, pour pouvoir retourner chez lui, mais doit se présenter devant la cour pour régler le dossier. Ça, c'est quelque chose. Ensuite, on se rappelle, il y a quelques semaines de ça, il y a une voiture qui est passée en plein milieu de Times Square. Tu te rappelles, tu as peut-être vu la vidéo sur Internet de gens qui se faisaient foncer dessus à Times Square. Ouais. C'est Richard Rojas qui est entré avec sa voiture dans Times Square à New York. Ça, c'est pas la nouvelle, parce que je crois que vous en avez sûrement entendu parler. Par contre, on sait qu'il a tué une femme et qu'il a blessé plus de 2 douzaines d'autres personnes. Ce qu'on apprend, par contre, dans cette nouvelle-là, c'est qu'il avait des intentions divines. OK. Donc, c'est Dieu qui lui a demandé de faire ça. Les gens pensaient au départ que c'était une attaque terroriste. La vérité était beaucoup plus facile que ça. C'est que Rojas prenait des drogues. L'homme a été arrêté 2 fois avant sur des accusations de conduite sous influence. Il a testé positif pour du PCP cette fois-ci. Et son explication, selon CNN, Dieu lui a fait faire ça. Le suspect, bien sûr, souffrait de problèmes psychologiques et a dit à la police qu'il s'attendait à ce que les policiers le tirent. Donc, ce qu'on appelle un suicide par policier. Ouais, c'est ça. Donc, voilà, c'est très, très triste. Ensuite, on reste chez les policiers. Dans ce cas-ci, avec un policier qui dit qu'il est devenu voleur et dealer de drogue. My God. À cause ou grâce à Satan. Qu'est-ce qu'on fait? Oui, oui. Quand on prend un policier un petit peu louche, croche et qu'on rajoute des drogues illicites, donc c'est le député de la Californie, Logan August, qui a décidé de faire une vidéo où il dit que c'est le diable qui l'a mené à faire ça. Donc, un député de la Californie qui pourrait vivre 5 ans en prison pour avoir vendu des drogues qui ont été saisies pendant des raids policiers. Il a fait ses excuses sur YouTube en blâmant Satan pour ça. Il a dit: j'ai pris cette décision-là basée sur Satan qui jouait à des jeu avec moi, donc Satan playing games with me. Il dit qu'il me faisait ressentir de la fierté. De la fierté comme de la... Comment t'appelles ça? Quand t'as tellement de fierté que tu veux pas faire quelque chose, que t'es orgueilleux. Orgueilleux. Donc, il était incapable de demander de l'aide aux membres de sa famille. C'est pour ça. Donc, il y avait trop de fierté, trop d'orgueil pour demander de l'aide à sa famille. Donc, Satan lui a demandé de faire ça. On se comprend. Bref. Wow. Ensuite, on a une femme qui est accusée après avoir quitté son emploi. Elle avait un emploi de jour. Elle voulait aller donc au gym et au salon de bronzage. Mm-hmm. Mais elle est accusée pour quoi là-dedans? Parce qu'elle a laissé ses enfants âgés de 6 mois et de 7 ans à la maison seule pour aller donc se faire bronzer. Ça se passe à Bend, en Oregon, oui. Donc, c'est d'une garderie. Elle est accusée, donc elle fait face, oui, à 114 accusations pour avoir laissé des enfants entre 6 mois et 7 ans, je l'ai mal dit tantôt, je m'excuse, pour aller se faire bronzer. Donc, ça s'est passé récemment où un jury a accusé Irwin Livesey, qui utilise aussi le nom de January Netherlin. Elle a 31 ans, 66 accusations de mauvais traitement criminel au premier degré et 38 accusations d'avoir mis en danger la vie de d'autres personnes. Elle est accusée d'avoir laissé entre 2 et 7 enfants qui étaient sous son soin, sans surveillance, à plusieurs occasions pour aller au gym ou encore se faire bronzer. Le journal The Oregonian, oui, dit que la garderie, donc Little Giggles Daycare, cette personne était manager ou gérante, peu importe, de cette garderie-là, a été arrêtée le 15 mars dernier après que la police l'ait vue en train de quitter la maison 2 heures après que les parents soient venus porter leurs enfants. Les détectives ont contacté January à son salon de bronzage local. Ils ont remarqué qu'elle n'avait pas d'enfants avec elle. Je ris là, mais je sais que c'est vraiment pas drôle. Wow. Livesy a eu à payer 200 000 $ pour encore une fois retourner chez elle. Non, elle n'a pas réussi à le payer. Voilà, elle reste présentement en prison à Deschutes County Adult Jail. Voilà. Elle avait déjà été enquêtée sa garderie plusieurs fois par le département de protection de la jeunesse. J'imagine les garderies, c'est différent un petit peu de du Québec. Probablement. Aux États-Unis. Probablement. Ensuite, une mère qui a été arrêtée, on reste chez les enfants, pour avoir rejeté un enfant de sa maison par rapport à de mauvaises citations de la Bible. La personne, l'enfant, aurait mal cité la Bible. C'est une mère à Middleton, en Pennsylvanie, qui a été arrêtée récemment après que les policiers aient découvert qu'elle avait battu sa fille et jeté sa fille dehors de la maison parce que la fille avait mal cité des textes de la Bible. C'est selon penlife.com qui nous dit que la mère, Rhonda Kemp Schaffner, 41 ans, est maintenant accusée d'avoir mis en danger la vie d'un enfant. Après cet incident-là qui a eu lieu le 13 mars dernier. La victime, selon la police, est décrite seulement comme une personne de moins de 13 ans. A dit que, la violence physique avait eu lieu immédiatement après qu'elle se soit réveillée d'une sieste l'après-midi. Elle aurait dit que, dans le fond, l'enfant a dit aux policiers que la mère avait beaucoup bu pendant 3 jours avant de la battre. La victime a dit à la police qu'elle s'est fait demander de se mettre à genoux dans la salle de bain. Elle savait donc que sa mère allait la frapper. Selon les documents obtenus par une chaîne de nouvelles locales, l'enfant a supplié évidemment sa mère de ne pas le faire. Elle aurait dit à la police qu'elle a dit à sa mère de ne pas la frapper. Je veux pas me mettre à genoux, etc. etc. Finalement, ça a fait juste que la mère était encore plus enragée. Les policiers disent qu'elle a dit à l'enfant de se mettre sur ses genoux, comme on vient de le dire, et qu'après ça, elle demandait « Qu'est-ce que Dieu a dit à l'homme de faire à son fils? » La fille aurait répondu qu'elle ne savait pas, et ensuite la mère a dit « Dieu a dit à l'homme de tuer son fils » dans la Bible. My God. Ça fait peur, hein? Ouais. Donc, on dit que ça a continué encore pendant pas mal de temps, et qu'après ça, elle a dit, je saute des détails, qu'elle a dit à sa fille de se mettre sur son dos, etc., etc. Et finalement, l'enfant, s'est débattu un petit peu, la mère cette année, elle a dit « Quitte la maison, ne reviens plus jamais. » Et l'enfant a pris ce qu'elle pouvait dans la maison et est parti chez son père. Ensuite, le père l'a amené à la station de police. Schaffner, qui était accusé d'étranglement, de menaces style terroriste envers son enfant et violence envers un enfant. Voilà. Wow! Ensuite, une autre femme ici. Une femme qui va devoir passer 10 ans en prison pour avoir donné des injections de ciment et de colle dans les fesses de gens. On parle de chirurgie physique plastique. Oh boy. Sauf qu'à la place d'être plastique, c'est du ciment. C'est ça. Une femme de la Floride qui donnait donc des injections dans les fesses avec du ciment et de la colle a reçu une sentence de 10 ans en prison après avoir plaidé non coupable de ses crimes et après avoir plaidé non coupable aussi d'avoir pratiqué de la médecine sans permis. O'Neill Ron Morris, aussi connu sous le nom de Duchess, a performé ces procédures-là sur des femmes et des hommes qui transitionnaient pour devenir femmes, on se comprend. Ici, c'est une alternative qu'on dit très illégale à ces services qui coûtent très cher lorsque c'est performé par de vrais médecins, selon le Sun Sentinel. Les enquêteurs disent que Morris a injecté à ses patients des substances dont du silicone, de l'huile minérale, du ciment, de la superglue et du scellant à pneus fix-flat. Aïe, aïe! Une patiente, Chatarka Nubi, est morte en 2012 après des complications de ses 10 injections qu'elle a reçues de Morris entre 2007 et 2010. Elle a payé plus de 2000 $ pour les procédures. Selon le Washington Post, la police a commencé à poser des questions à Nubi au sujet de sa situation après qu'elle ait écrit une lettre au département de la santé de l'État se plaignant de ses injections. 4 mois, je ris parce que, je veux dire, tu penses vraiment que l'agence de santé des États-Unis va faire enquête? C'est un acte complètement illégal. Mais on le sait, ça doit se faire dans une ruelle, je sais pas trop quoi, dans un appartement. Ça doit pas être. Ça doit pas avoir l'air officiel. Non, tu sais, tu payes juste 2000$, tu dois savoir que c'est. Que c'est quelque chose louche. De louche un peu, là. C'est ça. Genre au noir, mettons. Je sais pas, je sais comme ça. Mais tu dois pas t'attendre à te faire mettre du ciment dans les fesses. Non, ça non. Non. Tu sais, tu dis au pire, c'est le plus cheap des produits qui existent. Ouais, je cours des risques, mais en même temps, ça me coûte moins cher, fait que je suis correct, hein. Bref, elle a commencé à écrire des lettres au département de la santé. 4 mois après avoir commencé à parler de ça, Nubi est morte. Un examen médical a vu que la cause était migration systématique massive du silicone. Oh mon dieu. Venant de l'injection sur ses hanches et sur ses fesses. Morris a nié avoir injecté peu importe des substances inconnues, disant qu'elle a été trouvée coupable par le média basé sur des mensonges. Donc son avocat à la défense a dit que les injections ne contenaient pas de superglue ni de fix-a-flat pour les pneus. Son avocat William Lampier a dit que la sentence aurait dû être plus légère parce que des patients comme Nubi savaient que Morris n'était pas vraiment médecin. Donc il partage la responsabilité des risques. My God. Blâmer la victime, much, là-dedans. Ouais, c'est ça. Bref, après son séjour de 10 ans en prison, Morris va être en probation pendant 5 ans. Et si c'était pas assez pour la... Donc, enfin, on dit... la tante de Nubi dit que c'était pas assez. Elle dit que, que ça aurait dû être plus que ça. Même sa famille est contente. Parce que ça veut... Bon. Ensuite... une femme s'est fait prendre en train de pousser des armes à feu dans sa poussette. Ah, ben non, mais franchement... Une femme les de gens, Chicago. Ils sont donc même pas... intelligent des fois. Ouais, c'est pour ça que je fais cette chronique-là, j'aime ça. Une femme de Chicago a été arrêtée après que la police l'ait attrapée en train de pousser des armes illégales. Ça dit pas illégal, des armes dans sa poussette pour bébé. Donc, le Chicago Tribune nous dit que la police a vu Yarisma Martinez, 18 ans, dans le quartier Back of the Yards dans Chicago vers les 2h15 du matin. Tout à fait normal. Ben oui, franchement, rien de plus normal. Même avec un enfant, 2h15, c'est une heure que... Hey, je me suis fait demander... Tout à fait convenable. Le genre 10 ans, là, j'avais un sac de sport avec moi. Oui. C'était pour mon linge sale et je me suis fait arrêter par la police, tu sais. Juste ben parce oui, que non, c'est ça. Fait que je pars, je sais pas, tu sais. Une poussette avec des armes, ça se pourrait que tu fasses arrêter. T'avais-tu des armes dedans, Mathieu? Pas d'armes, pas Bref, évidemment. Il faut voir mes caleçons, monsieur l'agent. la police trouvait ça suspect. Suspect, oui. Ils surveillaient les caméras du coin parce qu'il y avait eu des coups de feu plus tôt, oui, ce soir-là. Dans leur surveillance, ils ont remarqué deux femmes qui entraient dans une maison proche de là. Une avait un sac à dos et l'autre avait un sac. Quelques minutes plus tard, les mêmes femmes ont quitté la maison avec une poussette. Les officiers du coin ont reçu comme instruction de faire un petit arrêt, une petite arrestation là, normale de routine, si on veut. Ouais. Ils ont arrêté les femmes à peu près à un bloc de là par rapport à où ils avaient été observés. Lors de l'approche, les officiers leur ont demandé s'ils avaient des armes dans leur poussette. Une a répondu oui. Franchement! Ils ont découvert un Mossberg Model 472 30-30 avec deux rondes de balles, peu importe, et des balles qui avaient été utilisées enveloppées dans des couvertures. Hein? Ensuite, ils ont trouvé aussi un Smith & Wesson 9 mm avec 15 rondes, un magazine, le truc de balles ouais. De plus avec 15 rondes dedans, et un autre magazine avec une boîte de munitions de 9 mm dans un sac de couche sur le siège. Franchement. Tout à fait normal. Hein? Donc, le quartier Back of the Yards a eu beaucoup de violence dans les derniers temps. Un homme qui a été tiré récemment et plein d'autres affaires. Selon le Chicago Sun-Times, un garçon de 18 ans a été tiré dans l'épaule gauche vers les 23h40 lundi, il y a quelques semaines. Martinez, qui vit à 4500, dans le bloc du 4500 de South Armitage, là-bas, est accusé de deux accusations d'utilisation illégale d'armes à feu. Et elle est passée en cours récemment. Je vais suivre le dossier s'il y a quelque chose de nouveau là-dessus. Ensuite, on va au Tennessee où un couple a essayé de vendre leur bébé sur Craigslist, l'équivalent de Kijiji. Sérieux, là? Ouais. L'intelligence des gens, là, est vraiment au plus bas quand t'arrives à faire ça. Tu vas pouvoir dire ça à chaque affaire dans la chronique. Non, mais là, ouais. Attends, là. Tu sais, au pire, tu te dis, t'es un criminel, tu t'en vas, mettons, tirer quelqu'un. Tu check dans la maison, avec quoi on peut sortir pour pas avoir l'air suspect, ok? On les met dans la poussière. Déjà reparté, je pense que c'est mieux que de me dire, pense me vendre mon bébé sur Internet. Ouais. C'est un couple du Tennessee qui est donc accusé de plusieurs accusations, oui, après avoir essayé de vendre leur bébé de 5 mois en ligne, selon ABC News. John David Kane, 26 ans, et Diana Lynn Greer, 37 ans, ont été accusés donc d'abus de leur enfant ou de trucs comme ça, de négligence d'enfant, après avoir essayé de vendre leur enfant à un agent undercover. Attends. Comment? Pour combien, Mathieu? 3 000 $ américains. Franchement! La bagatelle de 3 000 $ américains. C'est tout ce que ça vaut comme vie d'enfant, ça. C'est 1 000 $ par mois. Hey! C'est terrible! Kane et Greer sont accusés d'avoir posté une publicité sur Craigslist offrant le bébé à vendre pour 3 000 $ selon la BBC. Il y a un autre couple qui a vu la publicité en ligne qui a contacté le bureau du shérif de Greene County qui a ensuite amené le Tennessee Bureau of Investigation dans l'histoire, posant comme des acheteurs parce que j'imagine qu'il y a eu personne qui voulait vraiment l'acheter. Non, c'est ça. Fait que de toute façon, c'était des agents undercover et personne d'autre qui a probablement contacté le couple. Bref, ils ont posé, ils ont fait semblant d'être des acheteurs. Les acheteurs du TBI ont contacté les parents, ont fait des arrangements pour pouvoir les rencontrer au supermarché, hein, bien sûr. Ben oui, Maxi. Ben oui, Maxi. Bébé, 3 000$. OK, merci. Ben oui. Selon le Greenville Sun, le couple a rencontré les agents qui ont donné le bébé après avoir payé, qui ont reçu le bébé après avoir reçu les 3 000, donné les 3 000$ en argent. Et là, ils ont apparemment dit au... Attends un petit peu. Ouais, ben c'est pas mal tout, en fait. Ça dit qu'ils sont tous les deux en prison. Ils doivent payer 150 000$ pour pouvoir sortir et ils l'ont pas fait. L'enfant est présentement propriété de l'État. Donc, ils ont retiré l'enfant de ce couple. Avec raison, bien sûr. Wow. On reste... devrait même pas, genre, être en prison, là. Tu dois absolument recevoir une peine qui est comme... toute ta vie, là, tu dois souffrir en prison. Pour avoir fait ça. Qu'est-ce que tu veux de plus que d'aller en prison? On non, mais tu souffres pas en prison, là. Souffre pas en prison. Est-ce que tu as vu des... tu penses honnêtement qu'il souffrirait en prison, genre, d'avoir fait ça? Est-ce que tu regardes des documentaires de prison américaines, toi? Pas souvent. Ouais. C'est pas nécessairement tout le temps génial. C'est pas mal petit, là. C'est là. 23 ouais, heures. Ouais, mais tu sais, je pense que quelqu'un qui va agresser un enfant là, va avoir plus de souffrance en prison que quelqu'un qui va l'avoir vendu. Oui, probablement, ouais. Ouais. Tu sais, c'est ton enfant, là. Ouais, ouais. Tu sais, ils ont pas voulu le donner pour adoption, là. 3 000$. Ils l'ont vendu! Ah, 3 000$. Ça me décourage. Le constat d'arrestation obtenu par le Greenville Sun dit que les suspects ont placé l'enfant en danger sérieux, blessure corporelle ou la mort, en vendant leur enfant sur Internet à une personne inconnue. Donc, c'est un acte particulièrement cruel, a dit le permis d'arrestation, le mandat d'arrestation. Ensuite, on reste chez les parents, bizarre, avec des parents de famille d'accueil. C'est un couple de Utah qui sont accusés d'avoir attaché leur garçon un peu comme un cochon, tu sais, quand les hogtie qu'on appelle, ouais. Et de l'avoir mis dans une valise pendant un mois. Pardon? Ouais. Elle parle de parents d'accueil de Roy en Utah. Sont accusés donc d'abus, encore une fois, d'enfants après que les enquêteurs aient découvert que leurs 3 fils adoptés vivaient dans des conditions absolument inacceptables. Selon le Deseret News, Matthew Earl Waldmiller, 40 ans, et Diane Seifert Waldmiller, 41 ans, ont été arrêtés récemment et accusés de 3 accusations... comment t'appelles ça? Bref, 3 accusations d'abus contre les enfants. Donc, une enquête a été lancée plutôt ce mois-ci chez les Waldmiller pour leurs 3 fils de 7 à 11 ans qui passaient 13 heures par jour embarrés dans leur chambre. Sans lumière, sans nourriture, sans eau, sans couverture, seulement sur un petit matelas grandeur lit jumeau, le lit simple qu'on appelle des fois. Donc, selon les documents obtenus par Deseret News, les garçons qui ont été adoptés en octobre 2015 se faisaient embarrer dans leur chambre pendant toute la nuit et plus, là, comme on a entendu tantôt, on disait quoi, 15 heures, je pense qu'on avait dit tantôt. 13 heures, pardon. Ben, moins pire que 15 heures. 15 heures, ben ça ouais, franchement, t'as un petit 2 heures de lousse. Tu sais, je sais pas si c'est pire que la prison. Hey, wow. Donc, les plus jeunes garçons devaient porter des couches. Le garçon de 11 ans a décrit d'autres choses qui avaient lieu dans la maison, entre autres de s'être fait mettre dans une valise pendant un mois. Les autres garçons ont aussi dit avoir été attachés avec des zip ties, les trucs de plastique pour attacher les trucs. Des tie-wraps, un peu comme des menottes, et aussi du duct tape mis sur leurs yeux et sur leur bouche. T'imagines comment ça fait mal? Ils se sont fait frapper à coups de bâtons de bois de 2x4. Ouais, sur les fesses. Ouais. Il y avait aussi pas le droit de boire passer 18 heures. Donc, c'est quand même pas mal de facteurs en même temps. Hein. On dit au journal que l'enquête a commencé après que le Utah Division of Child and Family Services, l'équivalent de la DPJ, a reçu une plainte de négligence le 17 mars dernier. Et puis, ils ont évidemment appelé les autorités. Ils ont tout de suite visité la maison. Ils ont trouvé les 3 garçons qui souffraient bien sûr de négligence sérieuse. Les 3 étaient vraiment très, très maigres. Ils n'étaient vraiment pas assez nourris. Mais non, clairement. Donc, il y a plein d'autres détails comme ça. Je vous en sors quelques-uns. Là. Donc, on dit que les Waldmillers sont une famille d'accueil dans l'Utah. Depuis 2013, ils ont une fille de 2 ans qui vit à la maison, qui vivait à la maison au moment de l'arrestation et qui n'avait pas l'air négligée. Donc peut-être que c'est parce que les autres étaient des garçons, on ne sait pas. C'est ce qu'on suggère en tout cas dans l'article ici. Les 4 enfants, dont la fille de 2 ans, ont été retirés de la maison depuis. Les enfants, on avait dit aux policiers qu'ils avaient retrouvé qu'à un moment donné, ils avaient essayé de s'échapper pour aller manger. Ils se sont échappés par la fenêtre, puis ils ont essayé d'aller chercher comme de la bouffe dans les poubelles, mettons. Puis quand ils sont revenus à la maison, les parents les ont punis en leur servant du riz qui était trop cuit en mettant du sel et du poivre de Cayenne pendant genre des semaines. Les fenêtres d'où les garçons sont échappés étaient barrées et peinturées noires. C'était la seule fenêtre de la chambre à coucher qui était peinturée noire. Et la lumière, là où il y aurait une ampoule habituellement, n'avait pas d'ampoule. Donc on parle vraiment de négligence. Hey, c'est fou, là. Et après c'est ça, ça se dit une famille d'accueil. Ouais, c'est ça. Il y aura deux personnes bien sympathiques à aller voir sur assemblagejockey.com pour les photos. Hein. On va... J'aurais envie de terminer bientôt. Peut-être un dernier. Mm-hmm. Un couple qui continue son mariage après qu'un hitman ait tiré 3 invités. Ben voyons donc. Je te jure, ça s'est passé en janvier dernier. Un couple brésilien qui était en plein mariage. Il y a un hitman. Un hitman, c'est quelqu'un qui est engagé pour tuer quelqu'un d'autre. Oui. Comment est-ce qu'on appelle ça en français? Un tueur à gage. Un tueur à gage, voilà, absolument. Donc, il est entré qui a tiré sur 3 personnes qui étaient présentes au mariage. Le couple a continué le mariage, même si les gens de leur famille étaient blessés. Les nouveaux mariés ont récemment parlé de cette décision-là, de continuer la cérémonie malgré la tragédie. Jilton Barbosa, 25 ans, sa femme Christina, 18 ans, disait qu'ils n'avaient aucun regret d'avoir continué le mariage. Le couple dit qu'ils étaient tellement fâchés que la moitié des gens qui étaient présents au mariage ne s'étaient pas présentés à la réception parce qu'ils ont gaspillé la moitié de la nourriture. Okay, ils ont vraiment inventé des raisons que c'était correct de faire de se faire tirer dessus. Humberto Ferreira Santos, 52 ans, a blessé 3 invités lorsqu'il a crashé ce mariage-là. Il s'était capturé sur vidéo et ça avait vraiment peur à pas mal de monde. Il était à quelques pouces, en fait. Barbosa, ça c'est le mari, voilà, qui était à quelques pouces à peine du suspect lorsque tout ça a commencé. Il dit que son oncle a été une des personnes qui a été tirée. Puis il a continué à se marier après. Il a continué à se marier, oui. Et après que les victimes aient été amenées à l'hôpital, le mari et la femme ont appris que les 3 allaient survivre. Et c'est là qu'ils ont décidé de continuer le mariage 2 heures plus tard. Ils ont moins pris une pause. Hein? Ou une petite pause de 2 heures. Ben oui. Ben oui. Ben oui. Tout va bien. Écoute. C'est ça. Il n'y en a pas de problème. Pas de problème. Il n'y en a pas de problème. Franchement. Ah, c'est vraiment déprimant. Et pour vrai, j'en ai des millions de nouvelles. J'aurais envie de continuer pour toujours. Je vais y aller avec une dernière. Okay. J'ai fermé les autres pour être sûr de ne pas y faire. Okay? Okay. La dernière, un homme mort qui a été trouvé dans un garde-robe dans une école privée pour jeunes filles. Quoi? Le corps d'un homme qui a été trouvé donc, dans un garde-robe du New Jersey, selon NJ.com. La police a reçu un appel juste avant midi de l'Academy of Holy Angels à Demarest. Après que le corps a été découvert dans un vieil espace qui servait de théâtre à l'école. C'est adjacent aux classes, donc à côté, tu avais une salle de théâtre. L'homme de 65 ans aurait été un contracteur pour Cablevision, donc un gars du câble, comme on l'appelle. La police a dit à NJ.com qu'il ne croyait pas qu'il était mort récemment. Le corps est présentement en train de... Ben, pas présentement, mais a été examiné. Ouais. La cause de la mort est toujours à déterminer. La police dit que ça se pourrait qu'il se soit passé quelque chose de louche, peut-être, qui a été tué, mais pour l'instant, on ne sait pas et on ne croit pas que c'est un facteur probable dans sa mort. La police dit que la découverte n'était pas une menace pour les étudiants de cette école privée-là. Ils ont rapidement enquêté là-dessus. Les étudiants n'étaient pas en danger. Juste après la découverte, l'école a fait ce qu'on appelle un « hold in place », ce qui empêchait les gens de quitter ou d'entrer dans l'école. Ouais. Les étudiants ont plus tard été ramenés pour une assemblée où les gens, les hauts placés de l'école ont annoncé que la situation avait eu lieu et que des conseillers étaient disponibles pour les gens qui étaient un petit peu traumatisés par ça. Mais là, mon Dieu, hein? Ça se peut. C'est possible! D'être traumatisé par ça. Ben là, c'est comprenable. Ouais. Donc voilà, c'est tout pour cette section de Après le crime. On prend une pause et au retour, il nous reste une grosse pointe à l'adresse. Aujourd'hui. C'est fou 89.1. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Bonjour à Assemblage Rocky pour la semaine du 29 mai 2017. Elle est Tania Baudin. Et Mathieu Blount. Et maintenant, on accueille David Ferron qui est avec nous pour le reste de l'émission. Salut David. Salut. Ça va? Ben oui, je vois que Tania voit la vie en rose. Oui, tout à fait. Oui, sa mousse est rose de micro. Mousse de micro pour empêcher les... En fait, tout autour d'elle, c'est rose. Oui. Moi, je suis rouge, t'as vu? C'est vrai, un peu. Aujourd'hui, je baigne dans le rose. Pas mal. Ma camisole est rose. Ma boîte de Kleenex est rose. Ton mucus est rose, je pense. Mon mucus est rose. Ah, ben, c'est beau. La limonade que Mathieu m'avait amenée est rose. C'est vrai, aux framboises. Oui, c'est bon.

C'est vraiment cool, hein? Je mange une banane par jour ici. Je ne mangerais pas ma banane par jour. Honnêtement, je serais pas mal moins heureuse. Ah oui? Oui. Donc, tu as la banane? Oui, moi, la banane. C'est l'expression, ça? Ben oui, en France, c'est ça. Tu as avoir la banane pour dire que tu es de bonne mère. Ah, bien, ah, avoir une bonne pêche. Ben oui. Oui. Ouais, nous autres, c'est avoir la pêche. Tu sais? T'as la pêche? T'as la pêche, ouais, du coup. Du coup? Les pédiatres nous recommandent de donner, en fait, recommandent aux gens de donner du jus, des fruits et non du jus de fruits aux enfants. Ben oui, ça a toujours été de même. Ouais, parce que le jus est une source de vitamines et de carbo, ouais, c'est ça, je sais pas trop comment t'appeler ça, des carbohydrates, qui font partie d'une diète très santé, mais selon l'American Academy of Pediatrics, on clarifie que... On appelle ça des glucides, en passant des carbohydrates. Je comprends pas pourquoi ça s'appelle les glucides. Parce qu'il n'y a aucune ressemblance entre carbohydrates et les glucides. Je peux même faire le lien dans ma tête. Ça. Je sais pas. Mais bref, c'est ça qui est écrit sur la boîte. Oh, merci, merci. Merci Good Pins de nous renseigner. Exactement. Donc, les enfants de moins d'un an ne devraient pas boire de jus de fruits et les enfants de tous les âges devraient consommer beaucoup moins de jus de fruits. C'est selon le comité sur la nutrition de l'American Academy of Pediatrics qui nous dit que les enfants devraient boire moins de jus. Exemple, les enfants qui ont moins de 1 an devraient manger des fruits, mais ne pas du tout boire de jus de fruits. Si un médecin le recommande, ce serait peut-être pour la constipation ou pour d'autres raisons. Ah, l'enfant le devrait jus boire. Bruno! Oui! Ma mère me faisait boire ça quand j'étais jeune. On dit qu'il devrait boire dans un verre et non pas d'une bouteille ou d'un sippy cup, le petit truc, le verre que tu aspires. Les enfants de 1 an à 6 ans devraient boire, peuvent boire jusqu'à 4 onces liquides de jus par jour. Au max, mais devrait prendre le reste avec des vrais fruits. Ils devraient pas amener de jus de fruits au lit ou le transporter avec eux, dit-on. Ensuite, les enfants de 5 à 18 ans peuvent boire jusqu'à 8 onces de jus par jour, mais devraient aussi manger plus de fruits. Et c'est la même chose pour les adultes de plus de 18 ans. Un problème, c'est que les produits de jus qui sont vendus au supermarché vont contenir entre 10 et 99% de jus avec des vitamines ajoutées. Même lorsque les enfants se font servir du jus 100% jus, ce qui dérange les pédiatres, c'est ce qu'il n'y a pas dans le verre de jus, c'est-à-dire des fibres et des protéines que les enfants auraient du morceau de fruits, voilà. Donc les enfants de 1 an à 4 ans boivent trop de jus et ne seront pas capables d'absorber tous les glucides et ça peut mener à de la diarrhée. Donc c'est pour ça qu'on dit de ne pas transporter, de ne pas avoir son jus dans son petit verre. Mais c'est pas fou comme idée, je savais pas. Mais 8 onces de jus pour un adulte, je trouve ça quand même beaucoup. Oui, mais c'est jusqu'à 8 onces. Mais 8 onces, c'est combien de millilitres? Mais c'est comme 8 shooters. 8 onces en millilitres, ça nous donne 236 millilitres. Ah, c'est pas si... Mais là, on parle d'once liquide américaine. Voilà. C'est quoi la différence? Je sais pas, mais c'est ce que Google me dit. Ah! Mais un once, c'est un once partout, non? Non, attends un petit peu. Non. Je vais aller voir sur Wikipédia parce que non, on fait. Attends, t'es-tu en train de me dire qu'un once de shooter ailleurs dans le monde, ça peut être plus? Once. Attends un petit peu. Once, unité de masse, encore utilisée dans certains pays, dont la valeur est comprise entre 24 et 33 grammes. Ça dépend des endroits. L'article est pas mal long, hein? Ça dit que l'once anglo-saxonne est égale au 16e de la livre, alors que l'once liquide est une unité de volume dont la valeur est de 28,413 millilitres dans le système impérial et de 29,573 dans le système américain d'unité. Donc, c'est pas partout pareil. Je tiens à rappeler à David. Qui est encore venu, hein? Non, mais qu'un sac, ça se ferme. David. Merci de me dénoncer publiquement. Ça fait plaisir. Ça fait exactement trois fois que je referme la boîte quand elle vient. Mais c'est parce qu'il dit de laisser ouvert parce qu'il va y retourner. C'est ça. Ouais, mais là, on tire à notre fin. Oui, oui. On tire la fin, comme on appelle. J'aime bien la sauce tomate. Oui, moi aussi. Est-ce que vous tripez sur les... pas du tout la... Un peu. Est-ce que vous aimez les œufs Kinder? Oui. Parce que les œufs Kinder s'en viennent aux États-Unis, mais il y a quelque chose de particulier sur les œufs Kinder. Savais-tu que les œufs Kinder sont illégaux aux États-Unis? Oui, ça, je savais. Bon, ben. Moi, je le savais aussi, mais je savais pas pourquoi, en fait. C'est parce qu'apparemment, c'est trop dangereux pour les enfants. Oui, parce que t'as pas le droit d'avoir... On va le lire dans l'article, ça va le décrire mieux que moi si je le fais dans mes propres mots. Là. Bref, vous connaissez le petit jeu dans une capsule de plastique dans le milieu d'un chocolat. Ben, clairement. C'est commun partout dans le monde. Dans un œuf. Oui, c'est culte partout, même aux États-Unis où c'est illégal, en fait, mais il y en a qui l'importent quand même. Oh, pour vrai, on peut avoir à payer des milliers de dollars si on les apporte, si on les amène dans le pays. Out. Donc maintenant, la compagnie a sorti un produit qui va être complètement légal. C'est un petit peu différent du Kinder Surprise, en fait, et c'est différent aussi du Choco Treasure, qui était quelque chose de similaire, qui était fait pour contourner les lois. Le Choco Treasure, c'était un gros œuf qu'on voyait à travers le chocolat. Donc, t'avais le chocolat, c'était vraiment un gros œuf, là, okay. énorme. Et t'avais le chocolat, et dans l'article suivant, si tu veux cliquer pour la photo, là. Ouais. Donc, le chocolat renferme la capsule de plastique et tu vois le plastique dans le chocolat passer au travers du milieu. Parce que t'as pas le droit d'avoir un objet caché dans la nourriture, tu comprends? Ouais, je comprends. Voilà. Donc, tu voyais l'œuf au travers. Ça, c'était le Choco Treasure. Maintenant, le Kinder Joy. C'est un œuf, en fait, où la moitié de l'œuf est du bonbon ouais. et l'autre moitié est un jouet. Mais là, tu parles une moitié? C'est ça. Et t'as dans la portion moitié chocolat, t'as une genre de crème de pudding qu'on peut prendre, oui, qu'on peut prendre avec une cuillère qui vient avec. Et t'as deux petites boules de gaufrettes, genre, pour ajouter du croquant. Okay. C'est comme un espèce de gros œuf, on dirait un. Finalement, c'est pas un Kinder pantoute, là. Ben, c'est une autre sorte de Kinder, mais ça a l'air vraiment bon pour vrai. Pudding, petite gaufrette, chocolat et jouet. Mais ils pourraient s'étouffer quand même avec l'espèce de gaufrette, les enfants. Ouais, mais là, non, parce que ça va devenir mou avec le, avec la salive. Ah, mais qu'est-ce que ça fait si t'as pas de salive? Qu'est-ce que ça fait si t'as pas de salive? Tu peux pas vivre si ouais. t'as pas de salive. Tu meurs. Je sais pas. Bref, le produit est fait pour les marchés qui ont un climat plus chaud que l'Europe, d'où Kinder vient. Et ça se conforme aussi aux lois bizarres qu'on a aux États-Unis. Donc, ce qui fait que le Kinder Surprise est illégal, comme je l'ai dit tantôt. C'est une loi qui date d'il y a 79 ans, qui bannit les affaires qui ne sont pas de la nourriture, d'être complètement à l'intérieur de quelque chose qui est de la nourriture. Et c'est pas quelque chose qui n'est pas justifié en passant. L'année passée, une fille de 3 ans en France est morte après avoir mangé un jouet dans un Kinder Surprise qui a bloqué son œsophage. Ah, elle est morte mais voyons en France. C'est fou, hein? Mais oui. Donc, Kinder, qui n'est pas une marque connue du tout aux États-Unis, vraiment pas, mais sa compagnie parent, Ferrero, fabrique aussi le Nutella, le Ferrero Rocher et les Tic Tac. David, pour que tu puisses le savoir, là, tu peux souffrir de sécheresse buccale, mais tu ne peux pas saliver. Ah, eh bien. Ah. Donc, tu vas moins saliver, mais tu vas saliver. Ben, il doit y avoir beaucoup de monde qui ont moins de salive parce qu'on voit tous à la télé les petites gouttes là, avec une. Tu sais, là, la oui, en fait, c'est quelque chose qui semble être très courant un peu partout autour de la Terre. Là. C'est connu sous le nom de xérostomie. C'est la conséquence d'un manque de salive parce que la salive, c'est un lubrifiant naturel qui est composé de diverses substances comme par exemple de l'eau, des protéines et des sels minéraux. Et automatiquement, on obtient tout ça dans ce qu'on mange et dans ce qu'on boit. Mmh. Sauf que certaines personnes en produisent moins. Okay. Donc, ça crée la sécheresse buccale. Oh. Wow! J'aurais jamais pensé, moi qui est quelqu'un qui fabrique beaucoup trop de salive. Ben, quelqu'un qui n'aurait pas de salive ne pourrait pas digérer. Ah, parce ben que oui. ça lubrifie ton estomac et tout ce que t'as. Ça donc, tu pourrais pas faire grand-chose, en fait. Moi, ouais. j'en ai trop de salive. Je sais pas si c'est un lien, mais moi, certaines gommes se biodégradent quand je mange une gomme. Mais ça, je pense que c'est... Tu désagrèges la gomme? Oui, je pense que ça dépend des composantes de la gomme, parce que okay. certaines gommes qui font ça, c'est vrai. Eh ben. Je sais pas si c'est parce que j'ai une salive aux propriétés étranges. Peut-être. Ouais. T'es peut-être un mutant, tu sais. Ah, ce serait pas surprenant d'apprendre ça, quand yep. même. Je vous ai donc posté l'article aussi pour les Choco Treasure, qui sont quand même le fun. Là. C'est vraiment un énorme œuf avec des gros Spider-Man dedans ou d'autres trucs comme ça, si ça vous intéresse. Et c'est aussi du chocolat suisse, donc peut-être qu'on peut l'importer. C'est disponible en douzaine pour 15$, les Choco Treasure, alors que l'autre tantôt, c'est le Kinder Joy, celui qui va être pour les États-Unis. Mmh. Voilà, c'est tout le temps qu'on a pour les nouvelles aujourd'hui. Pas grand temps. Hein? Non. Pas c'est grand vrai. Temps, mais c'est pas grave, j'ai parlé beaucoup trop longtemps tantôt, ça m'arrive. Pas grave. Nous, ça va être la fin de l'émission d'aujourd'hui. On va se retrouver la semaine prochaine, tous les jeudis de l'été, entre 14h et 17h. Après nous, jeudi, il y a la reprise de Rock Révélé que j'annonce à chaque semaine depuis le début de la session et qui n'a pas encore eu lieu. Donc je pense que ça va devenir un running gag. Rock Révélé ouais. s'en vient. Ça sent bien, là. Ça sent bien. Restez là, là. À 17h. Après ça, à 18h55, si ça vous tente de voir les aigles perdre non! encore. Oh, tu veux pas les voir, tu veux les entendre. Les entendre, oui, tu veux pas les voir, en effet, perdre. Mais dans le vestiaire, ça doit être très, très jouissif. Oh, ça doit sérieusement, genre, être une ambiance de cimetière, là. Ouais, c'est combien qu'on a dit? 3 victoires et 10 défaites, quelque chose comme jusqu'à ça. Jusqu'à présent, je mais crois que c'est bien. En date de jeudi. Mais leurs victoires, est-ce qu'elles sont plus collées vers aujourd'hui ou c'est... Au début de la saison, quand même. Au milieu okay. de saison, ouais. ouais. OK. Donc, 3 victoires, 10 défaites, c'est ce qui se passe en ce moment. Et donc, on a une future défaite à 18h55 en direct de Québec. Ça, c'est pêche. C'est pas péjoratif. Les Québec, ils sont extrêmement forts. C'est pessimiste, Tania. C'est ça. Je pense que tu te sens mal du mot péjoratif depuis quelques semaines. Péjoratif, ouais. c'est quand tu dis quelque chose comme, mettons... Qu'il y a une connotation négative. Qu'il y a une connotation négative comme, mettons... Y a-t-il un exemple? Pourquoi tu me regardes, Mathieu? Je cherche un exemple de quelque chose de péjoratif. Dire, ce gars-là est... Je sais pas. Je suis pas capable. Exemple de péjoratif. Je veux en trouver un avant de terminer l'émission. Moi non plus, j'en... Mais automatiquement, si t'es péjoratif, t'es négatif. Non. Pessimiste, ça veut dire que tu vois que ça va... Que tu penses tout le temps que les choses vont mal se tourner. Tu comprends? Ouais. Exemple de... Attends. Mais tu peux être pessimiste en étant péjoratif. Péjoratif, expression à connotation négative, tu l'as dit, David, par laquelle le locuteur exprime désapprobation, dérision, mépris ou dégoût. Pour ce dont il parle, des termes fortement péjoratifs peuvent constituer des insultes ou des injures. Comme quand tu dis, mettons, bon, cette fille-là est une... elle va tout le temps se faire bronzer, mettons. Fait que tu sais, ah, c'est péjoratif parce que ah, c'est une pute, mettons. T'sais. Tu pourrais dire ça. Ben voyons. Ce serait péjoratif. Non, mais ce serait péjoratif de dire ça, c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Ce serait péjoratif parce que c'est du mépris. Tu comprends? Ok, fait que péjoratif, ça devient automatiquement du mépris? Genre, parce que pessimiste, ce serait genre, on sait bien, ils vont encore perdre les ex ce soir. Okay. C'est pas la même chose, tu comprends? Mais ça serait de la négativité. Oui, pessimiste, négativité. Ouais. Ok. Ouais. Ok. Ça, tu te sens, mais pour ceux qui voulaient le savoir, les Aigles sont présentement 6e au classement sur 8 et les deux équipes derrière nous sont l'équipe nationale de Cuba et la République dominicaine. Hi! Mais si on se rappelle bien, l'année passée, on a fini numéro 1 des moins bons. Fait qu'il faut se rendre au fond de la liste. C'est vrai. En dessous de Cuba. Mais en fait, on est vraiment très près des champions d'Ottawa en termes de victoires et de défaites. On a présentement 3 victoires, 10 défaites. Et les champions d'Ottawa ont 4 victoires, 9 défaites. Mais faut donc, voir à quel rang faire les séries. Ouais. Et combien de matchs ont été joués? Il y a une différence là-dedans aussi, peut-être. Oui, non? C'est ça. OK, bye! Bref. On sait pas. C'est à 18h55 sur nos ondes. On joue, tant qu'à faire, on va faire le reste de la programmation. On joue samedi entre midi et 15h. Après nous, c'est la rediffusion de Tania Baudin en piste. Qu'est-ce qui s'en vient dans l'émission la plus récente, Tania? La plus récente, eh bien, on va faire la découverte d'une voiture qui a été entièrement québécoise ou semi-québécoise dans les années 70. C'est la Manic GT 1971. Et on va aussi parler beaucoup électrique cette semaine comparé aux dernières semaines où on n'avait pas nécessairement eu le temps. C'est en piste à partir de 15h le samedi. On rejoue aussi mercredi entre 11h et 14h. Après nous, c'est une nouvelle édition d'En Piste. Qu'est-ce qui s'en vient la semaine prochaine? Je le sais pas. C'est En Piste avec Tania Gaudin, mercredi à 14h. Moi, je vais le faire pour le Mathieu Plante Show à partir de 15h. Cif.ca pour la programmation complète. Assemblagehockey.com pour les notes de l'émission, les balles diffusion. David Ferron, merci. On te retrouve à l'Aube Trotter. Oui. Jeudi matin à 11h. Oui. Musique du monde. Oui, exactement. Palmarès. Oui. Il y a de l'Aube Trotter. Palmarès, musique du monde, sauf les positions numéro 2 et numéro 1, les plus importantes que tu as dû skipper parce que tu manquais de temps. Oui, exactement. Je suis un peu comme toi. Je parle trop. Ouais, mais je rentre quand même dans mon temps. Non, c'est pas ouais, ça devrait. Mais moi aussi, je suis rentré dans ton temps parce que. Dans mon temps. On s'entend, c'est mon émission qui est après. Ben, moi, justement, j'ai coupé des chansons pour que la rediffusion du Mathieu Plante Show puisse avoir lieu à midi pile. T'es fin. T'es gentil, tu fais pas comme Mathieu puis tu bosses ton temps. Attends, je tiens à dire que l'émission a commencé minimum à 4. C'est vrai. Fait qu'on est correct. OK. Okay? Là, il est 4, là. Il était 4. Bye! Ouais, on s'en va, là. Ouais, ouais. Bye! À la semaine prochaine. Ah, ouais. T'es comme la madame qui a saqué son enfant dehors. Ah, fallait être là. Qu'est-ce que Dieu a fait à son fils? C'est Satan qui m'a fait faire ça!